Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On débutera une série spéciale sur UQTR en spectacle 2014. On remplira notre mandat éducatif comme on le peut avec la chronique C'est un fait. Et Jean-Philippe nous parlera de la participation qu'il a fait au défi Le Cash. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 10 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut, JP! Salut, Mathieu! Belle fin de semaine. Oui, très belle fin de semaine. Comme j'ai pas arrêté de dire samedi, tu sais, une petite phrase cliché. Hey, on en aurait demandé une de même, on l'aurait jamais eu! Parce qu'il a fait beau. Oui, c'est vrai, c'est pas trop froid pour les pétueux. Non! Non! T'allais faire du ski. Oui. On va en parler plus tard. T'es allé au défi ski Le Camp. Oui, à Vallée du Parc. Yeah, t'as aimé ça? Ah oui, c'était très cool. Sinon, aujourd'hui, on a vraiment pas grand-chose à faire à part être juste là, toi et moi, à parler. On a personne sauf notre blog spécial sur UQTR en spectacle 2014. Ça va être à 8h. Génial! On va recevoir la personne qui s'occupe des communications, Joanie Gagnon. Parfait. Et participant. Donc, qu'on mentionnera tantôt. Ça, c'est à 8h. Je crois que c'est à 8h pas mal tous les jours, sauf une journée mardi, ça? Ou mercredi. Mercredi matin. Ouais. Voilà. Donc, en général, soyez là dans la portion entre 8h et 9h, ici, à Assemblage requis. Puis, si vous voulez bien faire les choses, arrivez à 7h30 avec nous autres. Ben, c'est ça. Même écoutez donc à partir de 6h30, pour oui. Ceux qui ont la chance d'écouter les 3h au complet. Tant qu'à faire. Tu sais, tant qu'à ça. Donc voilà, c'est l'émission d'aujourd'hui. On va aussi avoir des chroniques maison comme son foutu palmarès en fin d'émission et deux blocs spéciaux, c'est un fait. Ouais. Mais en fait, j'ai un bloc normal, c'est un fait, et un bloc spécial sur la nourriture. Oh, mium mium. Bloc thématique, oui, c'est ça, c'est juste pour toi. Mium mium mium mium mium mium mium mium mium. Ah, bon, on va débuter en musique avec la pièce la plus relaxe du palmarès francophone en ce moment, c'est celle de David Giguère. Voici la pornographie. Mmh, c'est fou. Détendons-nous. C'est chaud. Alors on fait comment? On parle pas, on parle pour sauver du temps. Dessiner mes envies sur ton dos, accident. Et puis voir la tristesse, les enjeux de ma lignée qui se consume peu à peu. Ici et grâce à toi. que c'est comme les autres, non? Est-ce que c'est mieux que les autres, non? Est-ce que c'est moi qui en serais la cause? Alors j'ai pris un train sans crier gare. Aller loin, hein, écrire l'histoire pour qu'au matin je puisse me croire, je puisse t'avoir ici et maintenant. David Giguère et sa chanson La pornographie. Ouh, hein? J'ai peut-être dit avec trop d'enthousiasme. Non, non, ça va. C'est normal d'être excité pour la pornographie. Hein. C'est la raison même d'exister de la pornographie. Donc, toujours à son âge requis. Maintenant, c'est lundi matin. C'est là qu'on apprend nos choses la semaine au complet. Donc, voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et justement, avant de commencer, petite note sur c'est un fait. Do mi mi mi mi mi. Petite note. Ouais. J'essaie de changer un petit peu le concept. En fait, pour ceux qui se rappellent, il y a quelques mois, quelques années, c'est un fait. C'était plus une chronique où on expliquait des affaires. Ok. Un petit peu plus en long et en large que seulement les tout petits faits qu'on fait depuis quelques mois. Hey, ça donne que certaines des sources que j'avais, ben, je les trouvais pas super fiables. Puis des fois, il y en avait des faits que, quand même, je trouvais ça soit complètement faux ou soit vraiment peu crédible. Donc, j'ai décidé d'éliminer les sources qui n'ont pas de source elles-mêmes. OK. Dans mes sources. Donc, toutes mes sources que j'ai maintenant, dorénavant, auront elles-mêmes une source à l'intérieur de leur source. Incroyable. D'accord. Donc, sur assemblagerequis.com, évidemment, tous les liens sont là. On clique en bas de la page, il y a un lien source. Et là, vous devriez avoir plus d'explications. Et moi, je vais me sentir plus en sécurité, sachant qu'au moins quelqu'un a fait la recherche. Oui. Parce que c'est pas moi qui vais aller faire les recherches. Charge ça, hein? Ah. Donc voilà, j'ai enlevé pas mal de sources. Ça veut dire que j'ai enlevé presque tout Twitter, mais il m'en reste quelques-unes de très très bonnes sur Twitter. Donc le lien va être sur assemblagerequis.com parce qu'il y a des sources fiables sur Twitter, c'est vrai. Génial. D'accord, donc commençons en sport. Oui. On commence en sport. Oui, avec vous sur la passerelle. Donc devine l'équipe qui n'a pas gagné les séries mondiales. C'est du baseball depuis 104 ans. C'est la plus longue sécheresse d'une équipe de sport professionnelle nord-américaine. Quelle équipe n'a pas gagné de les séries mondiales depuis 104 ans? Nord-américaine, tu dis? Oui. Donc, je vais te dire... Bah, tu sais, sûrement c'est une équipe qu'on n'a jamais entendu parler. Non, quand même. Oui, quand même. Oui. OK. Quand même. Mm. Je suis tellement pas bon en baseball. Je pense à une forme. Une forme? Les Triangles de Los Angeles? C'est les Cubs de Chicago. Je pensais aux Cubs, tu sais. Cubs oui. De Chicago. Depuis 104 ans, donc c'est la plus grande sécheresse c'est jusqu'à maintenant. Toujours en sport à l'âge de 100 ans. Fauja Singh est devenu la plus vieille personne et le premier centenaire à finir un marathon. OK. À 100 ans. Wow. Maintenant, on va aux animaux. Oui. Au bulletin animaux. Le pan, ça c'est ce qu'on appelle le peacock en anglais. Peacock, c'est en fait le nom du mâle. La femelle s'appelle peahen. Tu sais? Ouais. Peahen, eh ben, ça je sais pas. Ça, c'est un peu comme quand tu vas voir un film au cinéma. Puis la fin... Pien. Pien. C'est tiré par les poils. Oui. Les koalas. La plupart des koalas, en fait, vont finir par mourir de leur faim. Mourir de faim. Parce qu'à l'âge de 6 ans, les dents des koalas commencent à être un petit peu moins bonnes, moins fortes. Donc, c'est ça, ils mâchent moins bien. Leur efficacité à mâcher est moins bonne. À 6 ans. Pour eux autres. Hein. Ben oui, c'est si mignon. Mais... Il y a des oiseaux sauvages en Australie qui peuvent imiter le son des caméras, des alarmes de voiture et des chainsaws des scies à chaîne. Wow! Pas pire, ça. Ah oui. En moyenne, une maison américaine utilise 10,6 MWh d'électricité par année. Donc, des MWH, 10,6. Et là, si on compare ça, la raison que je le dis, c'est que Google utilise 15 milliards de kilowattheures d'électricité par année. Ce qui est plus que la plupart des pays. Aïe, ouais. Aïe! Tout ça pour refroidir leur serveur, sûrement. Oui... Et refroidir nos ferveurs quand on cherche ce genre des grands-mères pour essayer de nous désexciter après avoir eu des petites... Hop, des émotions. Hop, la vie. Ouais. Environ 1,8 milliard de gens se connectent à Internet. Seulement 450 millions d'entre eux parlent anglais. OK. 1,8 milliard de gens se connectent à Internet. Les spammers sur Internet reçoivent une réponse par 12 millions de courriels qu'ils envoient. Ah, c'est pour ça que j'en reçois genre 40 000 par jour. Hein? Est-ce que tu leur as répondu? Ben, une fois. Une fois. 12 millions. ils réussissent quand même à faire du profit avec une réponse par 12 millions de courriels. Qui l'eût cru? T'sais, à chaque fois que tu reçois un truc de mot de passe, de faux Desjardins ou de fausses banques, tu te dis, ben voyons, c'est qui répond vraiment à ça? Les personnes âgées. Hein. Ben, sûrement. 9 ordinateurs sur 1000 sont infectés de spam. OK. Pas plus que ça? Qui renvoie du spam aux autres. Oui, 9 sur 1000. J'aurais cru que ça aurait été plus. Moi aussi, en fait. Le spam génère 33 milliards de kilowattheures d'énergie par année, ce qui est assez pour fournir 2,4 millions de maisons et ça produit 17 millions de tonnes de CO2. OK. Ouch. J'espère qu'ils se sentent mal. Ouais, c'est ça. Ouais, sûrement. Ça, c'est des gens avec des consciences. C'est ben sûr. Oui. 60 milliards de courriels sont envoyés par jour. 60 milliards. 97% sont du spam. OK. Pas beaucoup de spam aujourd'hui. 97%. Ouais. Flickr, le site d'hébergement de photos, héberge quelques 5 milliards de photos. Facebook en a plus de 15 millions. 15 milliards, pardon. Donc 5 milliards pour Flickr, 15 milliards pour Facebook. C'est tout un répertoire. Trois fois plus. Oui. en moyenne, les personnes qui sont sur Internet aux États-Unis regardent 100 vidéos par mois chaque. OK. Pas plus que ça. 100? Ben. 100 par mois, c'est quand même 2-3 par jour. Ouais, non, j'avoue. Mais tu sais, en même temps, c'est que tu te fais montrer par d'autres. C'est des collègues de bureau, ça doit pas compter là-dedans. Peut-être. Je sais pas. Les gens, c'est ça, t'as un peu. Environ 20% des vidéos sur YouTube ont rapport avec la musique. Ouais, les vidéoclips, ouais. Trucs. Normal. Ça je m'y serais attendu. Moi aussi, je me serais attendu même à plus. Je sais pas. Il y a environ 1 milliard d'ordinateurs qui sont présentement utilisés. OK. À l'heure où on se parle, Mathieu. On vient de me le dire à l'oreille. On a 1, 2, 3 dans le studio ici. On fait notre part. On fait vraiment notre part. le pourcentage d'étudiants qui considèrent que Facebook est le seul site, la seule ressource en ligne sans laquelle ils ne pourraient vivre. Donc, le pourcentage d'étudiants qui disent ça, Facebook, c'est essentiel. Essentiel? Ouais. Moi, je dis que c'est haut, mais moins haut qu'on pense. Ouais. 22%. Non, 3%. Ah. C'est très, très peu. Oui, c'est peu. Le pourcentage d'étudiants qui sont propriétaires de téléphones intelligents. Ben ça, c'est très haut. Ah, tu penses? OK. 52%. 55, t'es bon. Seulement 33% considèrent ça important pour leur éducation. Ben, tu vois, si tu m'avais pas dit ça, je serais allé dans les 70-80 même. Le pourcentage d'étudiants qui mettent leur ordinateur, laptop, comme appareil le plus important dans leur vie. Les étudiants. Laptop. 30%. 81%. Maudit, je l'ai pas la fin. Versus 87% des gens qui en ont un et 53% des gens qui préfèrent mettre leur ordinateur de bureau en premier. Okay. Kid Rock, on parle de vedette Kid Rock, qui a pris que ça lui a pas dérangé de descendre son salaire entre 50 et 100 000 $ de moins par soir pendant sa tournée pour garder les prix des billets à 20 $. Donc, il aurait fallu augmenter le prix du billet si on avait laissé son salaire comme il était. Il voulait que les prix des billets restent à 20 $ chaque et une bière de 12 onces à 4 $, pas plus. OK. C'est ce qu'il a demandé. Donc, il a pris une pay cut de 50 à 100 000 $ par soir. Eh ben. Michael Keaton était tellement contre le film Batman Forever que même 15 millions de $ ne l'ont pas convaincu à prendre le rôle. Batman Forever, si je me rappelle bien, est-ce que c'est celui avec George Clooney, finalement? Batman Forever. Je l'ai pas de temps apprécié. T'as peur, là. Acteur, c'est celui avec Val Kilmer. Ah oui, OK. Batman Forever. Ben oui, okay, je me souviens. Ensuite, tiens, l'entomologiste... C'est avec Jim Carrey. Jim Carrey, exactement. Celui qui joue le... pas Joker. Le Joker, oui. Le Riddler. Oui, ben... Joker, c'est celui avec le gros rouge à lèvres qui est méchant. Le Riddler, c'est celui qui pose des questions, des énigmes. Oui, le Sphinx, exactement. Le Sphinx. Donc, voilà, une personne qui travaille au service postal de la Nouvelle-Zélande et est aussi entomologiste, George Vernon Hudson. C'est celui qui a proposé l'heure saisonnière en 1895 pour pouvoir mieux utiliser les longues journées d'été. C'est lui, ça, George Vernon Hudson. Lui qui me fait perdre une heure de sommeil, là, en fin de semaine. Maudit. Sur le menu... Pour le bal qui a suivi les Oscars il y a quelques semaines, 6500 Oscars en chocolat, OK? C'était couvert de poussière d'or mangeable de 24 carats. C'était couvert de 10 livres de cette poussière d'or. 6500 Oscars. C'est beau. Très joli. C'est beau. Ça donne faim. Qu'est-ce qu'un papaphobe? Un papaphobe? Ouais. C'est... Okay. J'ai plein de choses. Phobe, c'est pas comme phobie. C'est pas comme phobie que... Non, mais peut-être, en fait. Et comment il s'écrit, phob? P-H-O-B-E. OK. Mais peut-être que c'est comme phobie, finalement. Donc, c'est la peur de papa. C'est la peur de papa. La peur de papa. Peur de papa. C'est la peur des papes. Ah, des papes. Peur de papa. Peur de papa. Mais à ne pas confondre avec la baba papa. La baba papa. Avant 1900, les gens qui visitaient Stonehenge, tu connais Stonehenge, c'est les espèces de sculptures de pierre. Oui. Donc, on leur donnait un petit un truc là, comme des pierres à feu, là. Il appelle ça un chisel, comment t'appelles ça en français? Un petit genre de pic avec un petit marteau pour pouvoir se garder un souvenir, finalement. Ah, prendre un morceau. Ça prend un morceau, prendre un morceau. Ben oui. Les rats vont uriner sur leur nourriture pour dire « ça, c'est mangeable ». OK. Ça veut comme faire un système de marquage, si on veut. Ça, c'est mangeable, donc je fais pipi dessus. Oui. Ne pas essayer à la maison. Non, vraiment pas. Les nachos ont été inventés par un homme nommé Nacho. OK. Tout à fait vrai. En fin de semaine, Mathieu, j'ai mangé un nachos avec du bacon dessus. Oh, le paradis. Du vrai bacon. Real. Pas du bacon de dinde comme on a mis sur notre pizza. Ça me dit qu'il n'est pas la même chose. Non, pas du tout. Ça goûte pas du la même bacon chose. De dinde? Ouais, c'est bon pareil, mais ça goûte pas le bacon vraiment. Non. C'est spécial, c'est plus dur. OK. Je trouve pas mal. Ah ben. Ensuite de ça, il y a plus de 177 000 façons de nouer un nœud de cravate. OK. 177 000. Eh ben. Pas pire, ça. Oui. Selon les lois mathématiques. Fait que dans les prochaines semaines, on va toutes les voir de 1. Et on commence aujourd'hui avec les 1000 premières. Oui. Tu connais les personnages de Monsieur et Madame, là? C'est comme des espèces de bestioles colorées avec un grand trait noir, mais ils sont très colorés. Puis c'est bon, t'as Monsieur Grand, Madame Petite. Oui, oui. Ben oui, mes livres d'enfance. Exactement. Mais il y en a un. En fait, le premier Mr. Man, qu'on appelle en anglais, donc Mr. Man, le premier personnage a été créé par Roger Hargreaves pour son fils Adam, 6 ans, qui avait demandé à son père de quoi avait l'air un chatouillement, si on veut, ça donnait ce monsieur chatouilleur-là. Ah, ben OK, monsieur grand bras. Orange avec des grands... Est-ce que tu le connais? Tu connais la série complète, hein, toi? Oui. C'est vraiment, je sais pas si toi, tu as vécu ça... Un peu. Ouais, autant que toi, je pense. Ben, nous, on les avait toutes. Okay. À la maternelle. Wow! Ouais. Il y en a eu beaucoup qui sont ajoutés depuis ce temps-là. Oui, depuis ce temps-là, oui. Est-ce que tu as réussi à compléter ta collection? Non, ben, je les ai pas physiquement. Okay. Je les avais à l'école. Je pense que tu avais une bibliothèque et un système Dewey Decimal. Oui, non, je sais, j'ai une bibliothécaire juste pour ces livres-là. Je veux lire, M. Grandbras. Féminin. Par membre du haut, membre du bas. L'Américain moyen utilise combien de feuilles de papier de toilette par jour? En considérant qu'une feuille, c'est un petit carré. En considérant le carré, ouais. C'est pas un carré exact, je crois que c'est un rectangle, mais bon. Bon, ça dépend des marques. Ouais, c'est ça. Mais combien... Ça dépend des épaisseurs aussi, mais là, il faut faire une moyenne, soit mathématiquement. 177 000 façons de louer une cravate. Américain moyen, une centaine peut-être? 57 par jour. Ça, c'est l'Américain moyen et c'est 6 fois la moyenne globale, donc ailleurs dans le monde. OK. 6 fois. Une vache qui a un prénom va produire en moyenne, selon des études, 454 pintes de lait de plus par année qu'une vache qui n'a pas de prénom. OK. C'est vraiment prouvé. Il y a une corrélation. Puis s'ils ont tous le même nom, est-ce qu'ils se chicanent entre elles ou... Ah, bonne question. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Quelle excellente question. Qu'est-ce que ça veut dire l'adjectif lutulant? L-U-T-U-L-E-N-T. Lutulant? Lutulant, L-E-N-T. Lutulant. Mais si tu veux dire lutulant pour faire un meilleur jeu de mots, une meilleure blague, vas-y fort. Je t'encourage là-dedans. Non, attends, lutulant... Lutu... Ça, c'est quand tu lisais tes livres à l'époque. Ouais, vraiment lentement. Lentement. Monsieur Lent. Monsieur Lent. Oui. Voilà. De quoi il a l'air physiquement, monsieur Lent? Ben, je sais pas, il n'a pas encore sa couverture. Wow! Il n'a pas envoyé sa photo à ça. C'est très bon. Donc, c'est une façon plus gentille de dire quelque chose de boiteux, lui, tu l'as. OK. C'est boiteux. OK, quelque chose de genre. Ouais, OK. Walter Shearer est un des 6 premiers Américains à être allé dans l'espace, mais qui n'a pas un frère Tracy nommé en son honneur dans la série Thunderbirds. Tu sais, Thunderbirds, c'est les sentinelles de l'air. Oui. Chacun des frères avait un prénom qui était un des 6 premiers, sauf le gars Walter. A mais pas pourquoi? De... C'est de malchance. Il y avait un fret. Il a tiré la courte paille. Ouais, peut-être. Un fret. Le Paraguay est le seul pays dont le drapeau national est différent de chaque côté. Paraguay, on va chercher son drapeau pour le voir. Qui n'est pas pareil de chaque côté. Attention. Mais que, ouais. Pourtant. Ah, OK. Je vois, c'est ça, parce qu'il y a un symbole dans le milieu. Tu vois-tu? Parce que je me disais, bon, tu sais, c'est pas exactement pareil d'un bord puis de l'autre, parce qu'il y a un symbole dans le milieu et lui, ben, n'est pas une réflexion de lui-même par rapport aux autres pays qui ont le drapeau avec la même chose de bord et de l'autre. Ensuite de ça, Aristéros, qui est le mot grec pour gaucher. Aristéros, le mot grec pour gaucher, veut aussi dire meilleur ou mieux. OK. Pourquoi pas? Ouais. Il y a environ, et là, je vais vous dire le nombre de groupes de zéro pour que vous puissiez vous l'imaginer dans votre tête. 294 suivi de 4 paquets de 3 zéros chaque. OK. 4 paquets de 3 zéros chaque. Ça, c'est le nombre de feuilles qu'il y a dans le monde. Des feuilles de papier. De feuilles d'arbres. D'arbres, vrai. Pour chaque feuille, il y a 340 fourmis. T'imagines comment ça fait beaucoup de fourmis? Oui, quand même. Ouais. Je me fais un chiffre comme ça dans ma tête. Puis il me semble qu'il y a beaucoup de paquets de zéro. Beaucoup de paquets de zéro. Tu connais l'auteur J.R.R. Tolkien? Ça, c'est Le Seigneur des Anneaux, ça, hein? J.R.R. Tolkien, il me semble. Donc, qui s'appelait Oxymore. Son nom, c'était Oxymore parce que son nom en allemand, Tolkien, K-U-H-N, veut dire follement brave ou stupidement intelligent. OK. C'est comme un oxymoron, des fois qu'on dit. Oui. C'est deux choses qui se contredisent l'une et l'autre. Friendstalker était un des noms proposés pour Twitter à l'origine. Ça aurait pu s'appeler Friendstalker, donc espionner ses amis, si on veut, ouais, pour trouver des informations par rapport à eux. T'imagines comment ça aurait été dur à dire? Tu sais, là, tu te dis, je vais te tweeter ça. Ah, je vais te Friendstalker ça. Friendstalker, on dirait une dingue. Il nous en reste deux derniers. Le crayon, un crayon plomb moyen, peut dessiner une ligne qui dure 35 000 de long. 35 000. On va traduire ça en kilomètres, comme 60, on aime le faire. 15? 56. Colin. Je pensais que c'était x2. Minimum x2. On pense 2.2. C'est les degrés en Fahrenheit, hein? Je pense que c'est 2.2. Peut-être ça. et finalement, aux Philippines, Gigil. G-I-G-I-L. Gigil. C'est l'envie surpassante, si on veut, que tu dois vraiment absolument faire, hein, de pincer quelque chose de très mignon, comme les joues de Jean-Pierre. De loin. Je vais te giguiler ça. Giguiler ça. C'est cute. Hein? Ouais. Voilà. Donc, c'est aux Philippines. Giguille. Voilà pour cet fait pour l'instant. Oui. Super. On prend une pause au retour. UQTR en spectacle 2014. Dans la les ondes 89.1. Siffle dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on est toujours à Assemblage requis. En ce lundi 10 mars 2014, il est Jean-Philippe Chabonneau. Il est Mathieu Plante. Oh oui. Le temps de se placer un petit peu juste avant de parler du QTR en spectacle 2014. On écoute David Marin très, très rapidement. Voici À l'abri du tempo tout de suite. Ça, c'est fou. Après ça, Joanie, Méchac. Ouais. QTR en spectacle 2014. Je voulais que ça rime, mais... Je porte la chemise d'une entreprise. Je gâche tout, hein? Juste un peu. Tout le temps. Qui prend le monde pour une valise. L'économie qui sodomise et dévalise le monde à journée longue. Je place du stock sur des tablettes, bien en ligne devant l'étiquette. Je roule trop vite pour la planète qui est plus carré que rond à journée longue. Et quand tombe la nuit, je reviens à l'abri. David Marin! Comment t'as dit? Excuse-moi? Excuse-moi, j'étais dans le tempo. Ouais. J'étais à l'abri du tempo. C'est un petit peu loin. donc oui, David Marin à Assemblage requis. Maintenant, on parle du QTR en spectacle 2014 et on va le faire toute la semaine parce que le spectacle a lieu ce jeudi. Et pour en parler, pour commencer, on accueille Joanie Gagnon. Salut tout le monde! Salut! Ça va? Oui, ça va très bien. Vétéran de notre émission qui faisait une chronique dans le temps. Oui. Mais là, t'es la fille qui s'occupe des communications à QTR en spectacle. Exactement. C'est pour la première année. J'étais participante l'année passée et puis cette année, je m'occupe des communications. Donc on a beaucoup de plaisir à faire ça. J'imagine, oui. C'est la 10e édition déjà. Déjà, oui. Du QTR en spectacle, qui est un concours de talent. Exactement. Peu importe, de chant, d'humour, de danse, de théâtre, de musique, tous les talents. Tout est là. Il y a eu les auditions, et puis là, évidemment, on n'a que le meilleur de tout ça. Combien de participants en tout cette année? On a choisi 10 participants parmi toutes les auditions. On a eu quand même beaucoup d'auditions cette année. On était super contents. On a eu un jury qui a choisi les 10 meilleurs qui vont être du spectacle le 13 mars prochain. 13 mars prochain. Est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce que c'est un spectacle ouvert au public? Oui, exactement. Les étudiants peuvent acheter des billets à la coop de l'université. Ils peuvent en acheter en ligne aussi. Puis les gens, dans le fond, qui veulent venir, qui sont pas nécessairement à l'université, c'est sûr qu'on serait bien content de vous voir. Et ça va être, il va y avoir des billets en vente à la porte à 10$ et les billets en pré-vente sont à 7$. Et c'est possible d'en acheter en ligne cette année, c'est la première année qu'on fait ça. Donc même les gens qui sont pas à l'université, là, juste aller sur notre Facebook, facebook.com/UQTR en spectacle. Dans le fond, là, vous allez trouver le lien pour acheter des billets en ligne. Génial. Ouais. Et évidemment, UQTR en spectacle fait partie du réseau Université en spectacle. Oui. Donc, quand on gagne la portion locale, après ça, on monte d'une coche. Exactement, la finale nationale qui va avoir lieu au Lion d'Or à Montréal cette année. C'est l'Université de Montréal qui s'en occupe. C'est ça, donc les gagnants vont avoir la chance de refaire leur prestation. Et d'ailleurs, les gagnants vont aussi pouvoir jouer au Festivois. Donc, c'est super cool comme prix. Là. Une belle expérience. Oui, vraiment. Donc, c'est le 10 mars. On n'a pas mentionné... 13 mars. C'est aujourd'hui, c'est le 10 mars. Ouais. À quel endroit? C'est au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. C'est à 19h. Comme j'ai dit, les billets sont à 7$ en prévente et 10$ à la porte. Super. Vous allez voir vraiment tout plein de talents dans toutes les branches Exactement. Possibles du divertissement. Et pour commencer, bon, on va te reparler tout à l'heure à la fin. Mais entre-temps, on va recevoir un invité qui était déterminé, si je me rappelle bien, au hasard parmi les participants. Exactement. On va faire des entrevues avec eux du lundi au mercredi. Donc, il y a 3 participants sur les 10 qui ont eu la chance de venir. Puis aujourd'hui, j'ai emmené Méchac qui va être en catégorie interprétation. Tout à fait. Interprétation, c'est assez large comme sens, mais on va y aller quand même dans l'ordre de nos questions, n'est-ce pas? Ben oui, ben écoute, on va commencer avec une question pas trop difficile. À quel programme étudies-tu ici à l'UQTR? Ben, je suis actuellement en communication sociale, comme Joanie. OK, super. Et puis, en première année de bac? Toi? Oui, en première année. Super. Ma toute première année ici. On aime ça jusqu'à maintenant? Oui. Ça peut aller. On tolère, Oui. Tu vas interpréter une chanson avec l'air en spectacle. Laquelle? Ben, j'ai choisi la chanson Le sens de la vie par Tal. OK. Tal, moi, je connais pas personnellement Tal. C'est un artiste qui provient d'où? Qui fait quel style de musique? C'est un artiste pop qui vient de la France, en fait. OK, parfait. OK. Et puis, est-ce qu'il y a une raison en particulier pourquoi tu as choisi cette chanson-là? Ben, j'ai choisi la chanson à cause du sens d'abord de la chanson, du message qu'elle transmet, parce que la chanson dit que le sens de la vie se trouve au devant de la scène. Et je pense que c'est très valable pour moi, parce que je me sens vraiment être qui je suis quand je suis sur la scène devant un public. C'est là où je peux vraiment exprimer tout ce que je ressens. OK. Super. Wow. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de ta prestation? Ben, je peux pas vraiment savoir, parce qu'en fait, je me laisse porter par mon feeling du moment, vous voyez. Mais bon, je peux au moins vous préciser que ce sera une prestation assez authentique, parce que dans tout ce que j'entreprends, j'aime donner le meilleur de moi-même. Donc, attendez, vous voir quelque chose de surprenant. OK. Ah ben, j'ai hâte de voir ça. Nous, on va être là. On est des fidèles. Pas mal à chaque année. Ouais. Et puis, t'es en première année de bac en com social. Est-ce que c'est ta première participation à UQTR en spectacle? Tout ici? À fait. Okay, tout super. À fait. Et puis, j'ai pas regardé, mais est-ce que c'est la première fois que tu fais une prestation sur scène ou c'est déjà arrivé avant? Non, j'ai déjà eu des expériences. Je suis pas tellement un novice dans le monde du spectacle. Ah ben, super. C'est bon ça. Pourquoi est-ce que t'as décidé de participer à UQTR en spectacle? Pour quelle motivation? C'est quoi tes motivations? Ben, le slogan, il dit « Va te faire voir ». Donc, je suis ici pour me faire voir. Non, c'est une joke. Dans le fond, c'est un peu une remise en cause, vous savez, parce que le défaut des artistes, c'est parfois de se surestimer, de se croire tellement bon. Ouais. Or, je suis ici un peu pour voir... c'est vrai que moi, j'aime bien ce que je fais, mais je suis venu ici pour voir s'il y a d'autres personnes qui peuvent bien aimer la musique que je fais. Donc, c'est ça. Oui, exactement. Puis si je peux me permettre, UQTR en spectacle, c'est vraiment une façon de... Comme j'ai fait l'année passée, on est à l'UQTR, mais on ne sait pas nécessairement qui sont les musiciens, qui fait quoi. Tu sais, c'est quand même une grosse université. Puis en faisant UQTR en spectacle, comme tu peux sûrement confirmer, on a la chance de rencontrer plein de monde du milieu, dans le fond, qui nous entoure, qu'on n'aurait pas connu si on n'avait pas fait UQTR en spectacle. Et qui partagent une passion en commun de faire de la musique. Oui. Pour la plupart, il y avoir des rapprochements, même à un moment donné, une chanteuse avec un groupe, là, ça pourrait faire... Un band, ben oui, pourquoi pas? Ben oui. Et puis, tu nous dis que tu as un peu d'expérience sur scène. Décris-nous peut-être un peu ton parcours artistique. Ben, j'ai commencé d'abord dans une chorale. C'est là où j'ai appris la musique. Et ensuite, à l'école où j'étais, je faisais plusieurs spectacles. En fait, dès qu'on parle de musique, ça attire mon attention. C'est automatique. Et puis, est-ce que tu as commencé jeune? J'ai commencé assez jeune. OK. On va dire depuis l'âge de 14 ans. OK, quand même. Pas mal. Oui. Mieux que moi qui a jamais commencé. Non, c'est ça. Puis on commencera sûrement jamais. Non, peut-être pas. On sait pas. Si tu as entendu chanter une fois de temps en temps à l'émission, c'est pas nécessairement très gagnant. Non. On me dit que tu joues de quelques instruments. Lesquels? Ben, en fait, je joue plus au piano. Je me suis essayé à la guitare aussi, mais c'était pas... Échec! J'ai pas réussi jusqu'à présent. Donc, on va dire principalement du piano. OK. On peut pas être bon dans tout, tu sais. Ben ouais. Non. Chacun ses spécialités. Voilà. Et puis, c'est quoi un peu tes influences musicales? Oh, ben... Je veux dire que le plus difficile pour moi dans la musique était vraiment de trouver ce que je veux précisément faire, vous voyez. Okay. Je me suis un peu baladé dans tous les styles. J'ai essayé du rock, j'ai essayé du R&B. En fait, je me suis beaucoup baladé, mais bon. Actuellement, si je peux définir mon style, je le définirais comme un peu plus soul et gospel. Voilà. Okay. Mais sinon, je suis un peu... Je me suis essayé à tout, donc je pense que je suis capable de faire beaucoup de plus que ça. Ben c'est bon, polyvalent. Oui, oui. Tu as parlé de chorale tantôt. Ça, c'est le chant que tu as commencé là. Mais comment est-ce que tu as commencé à faire de la musique? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a encouragé à le faire? Est-ce qu'il y a une personne précisément qui t'a dit « Toi, t'es bon là-dedans, tu devrais faire ça? » Mais j'ai commencé la musique dans le ventre de ma mère. Ah voilà. Oui? Non, je rigole. Ça, c'est de la batterie sombre, même pas. Ouais. Non, en fait... C'est vraiment ma mère qui m'a incité à faire de la musique. En fait, quand j'étais plus jeune, elle était déjà chanteuse. Elle ramenait parfois des musiciens à la maison. Et quand je les voyais, je me disais, ah, plus tard, je veux faire ça moi aussi. Et après, quand je suis devenu un peu plus grand, j'avais vraiment envie de faire de la musique, mais c'est elle qui m'a comme poussé. Elle m'a vraiment donné le courage de commencer. Elle m'a dit, tiens, va prendre des cours de piano. Voilà. Okay. C'est là où je me suis lancé. Donc, c'est vraiment ma mère qui a été le moteur. Ok, super. Et puis là, tu fais une interprétation. Est-ce que tu penses écrire tes propres chansons un jour ou c'était vraiment plus dans l'interprétation de chansons? J'ai déjà écrit des chansons, en fait, dans le fond. Mais bon, si j'ai choisi de ne pas les interpréter à écouter en spectacle, c'est parce que je les trouve un peu personnelles et je suis pas encore prêt à me mettre à nu. On comprend. Mais ça viendra. Oui. Est-ce que tu voudrais faire une carrière en musique ou est-ce que c'est un passe-temps, juste une passion, un sideline pour toi? Ben, je veux dire que j'aimerais bien, c'est un objectif pour moi, mais bon, c'est pas. Je pense que si je suis fait pour une carrière, ben ça va se faire tôt ou tard. Je ne force pas les choses et j'attends. Ah, voilà. C'est sage. Oui, c'est très sage. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Ben, on peut me souhaiter de rester authentique, de rester vrai comme artiste. Et de gagner à UQTR. Ben oui. Oui, c'est sûr. Génial. On te souhaite bonne chance à toi et de façon tout à fait égale à tous les autres participants. Parce oui. Parce que c'est légalement ce qu'on doit faire. Ouais. Mais bonne chance pour vrai. Merci oui. beaucoup. Merci. Mais chaque dans la catégorie ben, interprétation, UQTR en spectacle. Toujours avec Joanie aussi oui. Pour rappeler l'achat des billets et quand se passe le spectacle. Oui, exactement. Le spectacle, ça va être le 13 mars, donc jeudi cette semaine. Et d'ailleurs, demain, on va annoncer le groupe qui va faire la deuxième partie. On va l'annoncer aujourd'hui, donc restez à l'affût ben oui. sur notre page Facebook. Puis demain, ben, on va en parler, puis on pourra faire jouer un extrait aussi. Et demain, je vais revenir avec Olivier Bellemare, qui va nous interpréter une chanson guitare-voix, donc une petite performance acoustique. Et je rappelle que le spectacle, c'est le 13 mars, il y a des billets en vente à 7$ à la coop de l'UQTR et sur Internet aussi. Super. Génial. Donc, on rappelle qu'on va être là toute la semaine avec ce bloc UQTR en spectacle 2014. On va recevoir oui. Joanie au moins demain. Est-ce que ça va être à tous oui. les jours? Du lundi au mercredi avec des participants. Puis jeudi, on va être avec le groupe Parfait. Qui va faire la deuxième partie. Donc, on va Parfait. T'avoir à chaque jour. On se voit demain. Merveilleux. Joanie Gagnon, merci. Merci à vous. UQTR en spectacle 2014, tous les jours à Assemblage requis. Soyez-y. Pour l'instant, nous, Colin, on continue notre émission matinale en pièces détachées, comme on l'a fait si bien. il nous reste plein de choses à faire. Tantôt, on va faire une deuxième partie de C'est un fait. On a aussi son foutu palmarès, mais avant ça, nouvelle entrée du palmarès anglophone de la semaine passée. Je sais pas si tu te rappelles l'avoir entendue, c'est celle de Rebecca Higgs. Ben oui, on va aller écouter Lonely Lonely Lonely. Tu vois comment on chante bien, c'est oui. ça? Catégorie interprétation de man. Oui. Dans la pire catégorie, Mathieu J.P. C'est un assemblage avec. Yeah. Rebecca Higgs, comme on l'appelle, le boson Higgs. Loneliness sur l'album Shalala. Shalala. Shaloneliness, nouvelle entrée en 20e place du palmarès de la semaine du 3 mars 2014. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Jean-Philippe, en fin de semaine, t'es allé faire un super-héros des sports. Oui. De toi-même. Oui. On est allé au défi ski Leucan. Ah, c'était Leucan, c'était ça? Oui. Ouais. Ben oui, on... Oui, c'est ça. Puis comme on... Ouais, non, c'est ça. Ouais, on l'a... Ouais, la ouais, blague. La blague tombe à l'eau. Ouais. Non, et c'est ça, écoute, c'était... pour ceux qui connaissent pas ou n'ont pas entendu parler un peu de c'est quoi, dans le fond, c'est pour ben, la recherche pour le cancer des enfants. Donc, c'était 12 heures de ski. Donc, on a commencé à 11 heures le matin, puis on a fini ça à 11 heures le soir. Wow! Ouais, mais quelle belle journée que c'était. Oui. T'es allé là pour représenter C'est fou. J'ai vu les photos. Il y avait des logos de C'est fou un petit peu partout. Avec qui t'es allé là? Une gang quand même. Oui, ben dans le fond, l'équipe était composée de moi-même comme chef d'équipe avec la lettre Alpha. Alpha. Oui, équipe numéro 75. Dans le numéro B, je sais plus. Numéro B. Oui, parce qu'on est, dans le fond, j'ai expliqué un peu le concept avant. C'est qu'on doit faire minimum une descente à l'heure chaque membre de l'équipe. Okay. Donc, tu sais, on pourrait se séparer. Moi, je pourrais faire 1000 descentes si je suis très en forme. Quelqu'un pourrait, si est plus novice, mettons en ski ou en snow, pourrait faire une descente à l'heure seulement. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on est identifié comme A, B, C, D, puisque les gens prennent en note, dans le fond, nos descentes. Et puis, ben, c'est ça. Il y avait moi-même, il y avait Karina Tardif, ben qui est tardi. Les Audacieuses, mercredi 19h. Exactement. J'ai un ami à moi, Jean-Baptiste Gilbert, et également Simon Rivrain. Donc, des fidèles auditeurs. Deux fidèles auditeurs et deux fidèles animateurs. Hein, pas pire, ça? Deux fidèles futurs animateurs. OK, deux animateurs, c'est toi puis Karina. Oui, c'est ça, puis deux auditeurs. Ouais. Donc, on a eu bien du fun, pour de vrai. C'était vraiment une belle journée, premièrement. C'est bien organisé, c'est le fun, c'est très festif quand même comme événement, même si la cause l'est un peu moins. Et puis, ben c'est ça, le but, c'est de ramasser 500$ minimum par équipe. Donc, nous, on était l'équipe 75, donc minimalement, il y avait au moins, je pense bien, 75 équipes. Et puis, ben c'est ça, donc dans le fond, une descente à l'heure qu'on doit faire, et puis bien du plaisir. Des petites pauses entre chaque, des repas, une fois de temps en temps? Oui, exactement, mais c'est ça, dans le fond, il y a des stratégies. OK, vous avez le droit de faire ça comme vous voulez. Oui, parce que dans le fond, l'heure se déroule. Dans le fond, on commence à 11h pile. Et puis, tu as jusqu'à, dans le fond, 11h59 pour faire ta descente. Donc, vers la fin, on a vraiment profité de notre journée. On a fait plusieurs descentes. Mais vers la fin, tu commences à être un peu plus fatigué. On prend du temps pour souper, s'arrêter. On a un peu plus froid, il faut changer de vêtements. Donc, on faisait une descente peut-être vers, disons, je dis 1h au hasard, mais mettons 6h58. On faisait deux descentes de suite, donc ça comptait pour notre descente de 6h et 7h. Et puis après ça, on pouvait faire un loop. Là, on avait à peu près 1h30 là, de répit là, pour se reposer. Du répit, chocolat chaud. Et puis se desserrer les bottes de ski, puisque ça sert. J'imagine. Il n'y avait pas trop de vent, donc c'était quand même bien... Non, c'était très bien. Dans la journée, on a eu à peu près 5 degrés. Okay. Vraiment, là, on pouvait skier léger. Là, c'était vraiment, vraiment agréable là, de faire ça. Et puis là, j'ai des anecdotes. Puisqu'on avait un plaisir fou, puisque c'est des bénévoles, dans le fond, qui sont là pour prendre en note nos descentes. Okay. Donc, on passe dans une ligne qui est spécialement identifiée le camp. Donc, c'est souvent les mêmes personnes qui sont comme là, OK, go, lâchez pas, ils nous encouragent, c'est super le fun. Donc, on aimait bien faire des petites blagues là, du genre, ah, tu sais, ça fait longtemps que vous nous avez pas vus, on est allé s'arrêter, on sentait plus nos pieds, on avait fret. Et puis, les trois autres de l'équipe de faire, en tout cas, si lui sentait plus ses pieds, nous, on les sentait. Nous, c'était notre genre de blague. Ouais. Ça descendait la pente. Oui, c'est ça. Tu peux reconnaître notre genre d'humour était du même niveau que ce que je fais ici. C'est ça. Et le matin. Malheureusement, là-bas, t'avais pas ton classique. Et là, j'étais pas prêt, apparemment. Mais, non, mais je te vois. Ça paraît quand tu prépares quelque chose, Mathieu. J'en ai eu pas mal, des histoires pas de punch, je te dirais. Ah! Oui, donc quand même 71 000 $ qui ont été amassés pour la recherche, justement pour le cancer chez les enfants. Pas donc, juste par vous autres, là. Non, pas juste par nous autres. Bon, on a quasiment topé le 1000 $ Je te dirais, peut-être, on est pas loin du 800. quand même à 4 jours avant le dé. On s'est inscrit lundi. Ah, pour vrai? Lundi dernier, donc vraiment. Puis le défi était le samedi. Donc, quand même. Mais bravo! On a réussi. On a réussi. Est-ce que vous êtes dorénavant des fidèles du défi Ski Leucan? Est-ce que vous allez faire ça à chaque année? Fort probablement. Moi, je le faisais à Québec. OK. Fut un temps. C'est à chaque année, ça? Oui, à chaque année. Okay. Plusieurs montagnes. Si jamais vous nous entendez, vous pouvez être homme maudit. Moi, j'étais en relâche. J'ai pas pu. Sachez que c'était pour. C'est à la vallée du parc pour Leucan-Mauricie. Mais quand même, si vous voulez y aller, je pense qu'il reste Bromont, il reste Stoneham la fin de semaine prochaine. Donc, pour Leucan Montérégie et Leucan Québec. Et évidemment, si vous voulez donner de l'argent à Leucan, il y a aussi plein d'autres affaires qui se passent pendant l'année, le défi oui, Terre rasée. Oui, exactement. Puis si vous voulez encourager des équipes au hasard, ou quand même, il y a près de 200 équipes qu'on nous a dit à Leucan Québec. Peut-être des amis, des connaissances. Allez voir sur le site du défi ski Leucan Québec. Allez voir les équipes inscrites. Et puis, vous pouvez donner soit à l'équipe, soit à la personne que vous désirez. Et... Magnifique! Ouais. Super! Merci, Jean-Philippe! Ben de rien, on avait des stickers C'est fou partout. Oui, j'ai vu ça. Oui, c'est pis, chic. Oui, on était très beaux. De beaux petits moineaux sur la pente de ski. Oui, mais... Voilà, vous aviez sûrement vos petits soutes, là, j'imagine, là, de neige. Ben oui. Vos soutes de... genre skieur fluo, là, si on veut. Mettons, t'as des choses ça, loin. Franchement, c'est ça, j'essaie. Ça. Ouais. C'est comme ça. Merci, skieur fluo, de prendre ton temps. Mais tu sais, l'important, c'est de partir à point. Il y a mon cerveau qui fait des loups. Ah, j'ai mangé des Froot Loops. Fausse marque, fausse état de part. Te revoler dans le windshield. Ah, t'as mangé un Big Mac. Marc, car tu débarques, Marc. Orange, mur, lime, citron, l'hymne aux Froot Loops par le skieur fluo. Au retour, on reste dans la bouffe avec C'est un fait, édition nourriture. Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. Un dernier. Miam, miam. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. Dis-fou dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi. retour, c'est toujours Assemblage Requis. En ce lundi 10 mars 2014, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Hey, Jean-Philippe, hey. Il est arrivé quelque chose hier soir. Oui, ben dans le fond, je t'ai compté ma journée de samedi où on est allé au défi ski Le Camp. Chou, chou, chou, chou. C'est ça, et puis dans le fond, on voulait absolument, hier, dimanche, aller au Salon de l'habitation à Montréal. OK. Donc, on est allé, on est descendu là. Ben c'est ça, tu sais, tout va bien, on descend, on va là, on en profite pour aller souper chez la parenté. On revient, ben on part tard quand même, parce qu'on s'est levé quand même tard, parce qu'on est arrivé à 2h du matin, quand même, dans la nuit de samedi à dimanche, ouais, après ça, le défi ski. Ça finit à 11h, ça fait l'heure. Ben ça finit à 11h, à minuit, c'est le dévoilement des gagnants, okay. Le montant et tout, le temps de pacter les affaires, en tout cas, etc. Là, puis c'est quand même à 45 pissé, minutes. T'as dit? Oui, pis c'est, oui, quand même, parce que ça fait 12h, t'as pas arrêté, là. Pis c'est quand même 45 minutes. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est longtemps. Et puis, donc, je reviens tout bonnement, tu sais, à Trois-Rivières. J'arrive de la 40, tu sais, sur la rue Saint-Roch. Et puis, tout à coup, on voit une grosse, grosse van police. Ouais, van police? Oui, oui, police. Okay. Là, tu sais, comme un... Pas un pick-up, mais un... Une prison sur roue? Ouais, quasiment. On dirait. Puis là, on est là, c'est badass. C'est quand même cool de voir ça. Puis là, je fais, ils font des descentes de police le dimanche soir à Trois-Rivières. C'est fou. Et puis là, bon, c'est ça, je continue bon an, mon petit chemin. Puis là, tout à coup, ben, tu sais, ça part, tu sais, gyrophare et tout. Je suis comme, ça y est, il y a vraiment une descente à Trois-Rivières. Ouais. Moi, je continue, tu sais, mon petit chemin. Je suis vraiment relax, c'est dimanche et je me dis, maudit que j'aurai pas beaucoup d'heures de sommeil dans le corps pour mon émission du lundi. C'est vrai. Puis là, ben, c'est moi qui arrête, Mathieu. Hein? Ben oui. Comment ça? Ben, c'est ça, là, je fais, ben, pourtant, je roule pas croche. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, là, je suis bien relax. Ben, c'est ça, le monsieur, il arrive, puis il me fait. Pas M. Charbonneau, parce qu'il savait pas encore que je m'appelais M. Charbonneau. Il fait « Oui, monsieur, ça intercepte votre véhicule, vous avez pas payé vos plaques. » Moi, je fais « Oui, vous n'avez pas payé mes plaques. » De quoi tu parles? « J'ai payé mes plaques. » Donc là, je sors mon petit papier. Ah, regarde, mes plaques. Ah! 28 février. Oh non! Mais, ouais, il y a quelque chose qui est arrivé, là, je sais pas, là. J'ai fait mon changement d'adresse dans ces moments-là. Fait que c'est peut-être arrivé chez mes parents. Ça, c'est peut-être. T'as genre une semaine à peu près de retard, mais est-ce qu'ils t'ont juste laissé partir avec un avertissement ou c'est une grosse amende? Ah, j'ai une grosse amende. J'étais très chanceux. J'étais au coin de ma rue. Vraiment, là, à, je te dirais 10 maisons d'arriver là. Ouais. Il dit, là, vous en allez à votre domicile à Saint-Philippe. Là, je fais oui. Il dit, là, on va vous laisser aller stationner votre véhicule là, mais pas de plaque, c'est le véhicule n'a pas le droit de rouler, sinon va falloir le remorquer. Je suis comme, non, s'il te plaît. J'en ai besoin. Ben oui, ben c'est ça, donc ce matin, j'ai pas de véhicule, il faut que j'aille à la SAC. Ah, c'est nul. C'est nul, hein? C'est vraiment nul. Ouais. Pour une semaine. 10 jours. Ouais, c'est... ben c'est ça, c'est la loi. Ouais, ben oui, c'est ça, c'est la loi. Ben oui, mais je comprends pas, je me souviens pas d'avoir vu ça... C'est... Peut-être que la lettre n'a pas été renvoyée à la bonne adresse depuis 2009. Ben, ça se peut, mais en même temps, c'est ça que je disais. Je dis, ben, tu sais, si c'était pas arrivé chez nous, si c'était arrivé chez mes parents, j'ai tout essayé de dire. J'essaie de m'en sortir au mieux, mais. Y a-tu fait des blagues genre, tu sais, c'est une descente de ski? Je te ramène à Le Camp pour une autre 24 heures. Oui, c'est ça. Non, même pas, non. Mais je revenais pas de Le Camp, tu sais, je revenais de Montréal, ouais. Tu sais. Mais c'est toujours mon je me dis tout le temps, j'essaie d'être pas trop fauné, mais tu sais, faire comment, je suis à l'aise, je le mérite. Peut-être qu'il va prendre par pitié, mais ça arrive jamais. Là, tu le dis à la radio, fait que là, nomme-le, c'est qui? C'est M. Gingras. Mais oui, M. Thibodeau. Thibodeau. Mais oui. Thibodeau. Si je vous repère, M. Thibodeau. Ratoureux, M. Thibodeau. Mais oui. Je me considère quand même chanceux, dans ma malchance. J'aurais pu être towé et tout, partir à pied chez nous. C'est sûr, mais en même temps, ça fait un gros mois que ton défi ski et en plus payer tes contraventions de pas de plaque de spécial. Donc, faites un don. C'est ça. le but de mon intervention. C'est 1-800 Le Camp Philippe Charbonneau. Oui, c'est. Le Jean. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ma péripétie du dimanche nuit. Oui, ben c'est ça. D'habitude, c'est nous qui t'écrivons les péripéties le jeudi à 9h aux 2 semaines avec les péripéties de JP. Là, celle-là, on va juste pouvoir reprendre ta cote ici. Ah oui, exactement. Tout mettre ça dedans. Donc, voilà. Voilà. Merci, Jean-Philippe. De rien. Et merci, M. Thibodeau. Voilà. Dans quelques instants, une deuxième portion de C'est un fait. Ça va être édition nourriture, food edition. Mais avant ça, hashtag foodies. Avant ça, parlant de quelqu'un qui vient de manger, ça pue quand tu parles. Lui, il est pépé, ce gars-là. Ouf, pépé Thibaudeau. Ouf. OK. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue quand tu parles. T'as beau te brosser les dents, t'as beau te passer la soie, c'est dans ta voix. Ouais, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Tu prends de la place, personne t'écoute, même quand tu parles trop fort. C'est qu'ils osent pas te dire de te la farmer, mais moi j'fais un effort. Ouais, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Commentaire méchant, ton potinage pour moi c'est du vent. Un vent mauvais. Tu coupes tout le monde, tu cries pour rien, y'a juste toi qu'on entend. En autant que personne parle de toi, tu penses qu'on est content. Mais ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. La prochaine fois, t'as le coup de parler. Téléphone-toi. Réponds-toi, écoute-toi, raccroche-toi pas. Trouve ce qui pue, dis-moi quand t'es rendu. Mais là, fais quelque chose, parce que ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Ouais, je m'excuse, mais tu sais pas de quoi tu parles. C'est pas de quoi tu parles, ça pue quand tu parles. Ouais, fais quelque chose, parce que ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles de Pépé et sa guitare. Ouais, ouais, ouais. C'est un fait. Quelle ne fut pas ma surprise hier pendant que ma copine, ben tu sais, je prépare l'émission des fois le dimanche soir et le mardi soir, depuis mes deux jours de préparation d'émission. Ma copine écoute Vampire Diaries, journal de vampire, les dimanches soirs. Et puis, Colin, la chanson des Black Keys qui sort le thème pour cet effet joue dans l'émission, ça m'a pris par surprise. Ah! Mais c'est cool! Ben oui! Très le fun. T'as-tu fait le saut comme ah, ah! Chandon! J'ai commencé à dire des faits comme ah, un éléphant. J'ai pas pu m'en empêcher. La trompe de l'éléphant. Donc aujourd'hui, cette fois-ci, en fait, c'est un bloc Food Edition, c'est hashtag Foodies. Oh nice! Tu sais comment j'aime les hashtag Foodies. Je sais bien. J'en ai fait. Au défi ski. Y a rien pour m'empêcher, Mathieu, de faire un hashtag foodies. Donne-moi un hashtag foodies, moi. Parce que j'en ai parlé un petit peu avant, mais pour ceux qui n'auraient pas compris, on s'est fait un hashtag foodies avec un nachos. Oui. Avec du bacon dessus. Miam gratiné. Oui. Évidemment. Avec un petit peu de poivron. Poivron, trois couleurs, les poivrons. Ah ouais? Ils ont mis rouge, jaune et vert. Ah, ils ont mis, c'est pas toi qui as fait ça. Mais. Non, dans le fond, après le défi ski, on s'est sustenté la panse. Sustenté, OK. Alors, on va commencer pour accompagner, évidemment, un nachos. Moi, en tout cas, ce qui me plairait, ce serait de la liqueur brune, comme dirait ma grand-mère. Que que J.C. Lauzon est son âme. Donc, si vous avez déjà remarqué, les bouteilles de coke avec, je sais pas, bouteilles de coke avec des boutons, avec des boutons, c'est qu'ils sont pas cette date, non? Oui, avec des bouchons jaunes. Pendant les mois de mars et d'avril, as-tu déjà remarqué ça? C'est pas à cause du concours? Non, c'est à cause de la Pâque juive. C'est vrai. Donc, pendant les mois de mars et d'avril, Coca-Cola fabrique du Coke avec une autre recette. C'est spécifiquement fait pour les Juifs. Donc, les Juifs qui n'ont pas l'air de manger des produits qui sont reliés au wheat, c'est blé. Hein. Blé, je crois, wheat. Oui. Donc, de maïs ou d'autres graines. Pendant les 8 jours dans le fond, qui précèdent, c'est qui précède Pâques, le Passover. Donc, la plupart des liqueurs commerciales ont une grosse dose de sirop de maïs et des traces d'alcool qui proviennent des graines. Donc, c'est interdit. C'est pour le carême? Pour le carême et le... En plus, j'ai cherché le mot Passover, ça me disait Pâques. Mais je pense que t'as raison, c'est le... Comment t'as appelé ça? Le carême. Le carême, voilà, on va dire ça. C'est la période de jeûne. En fait, c'est 40 jours. Mais chez les Juifs, c'est très différent. Ah, oh, ça se peut. Ouais, mais c'est très... très, très... Là, c'est très Jésus. Là. Très, très, très religieux, oui, ben, c'est ça, c'est clair. Donc, dans les années 30, un rabbin orthodoxe, Tobias Geffen, s'est fait donner la liste secrète des ingrédients de Coca-Cola. Donc, il a réussi à persuader le géant de la liqueur brune de créer une liqueur alternative pour les Juifs. Donc, le bouchon jaune contient du vrai sucre à la place du sirop de maïs. Ceux qui aiment et préfèrent la liqueur au vrai sucre, vous le savez parce que vous achetez du Coke, du Pepsi rétro. Pepsi rétro, la petite formule avec l'ancien look. Oui! Ça, c'est fait avec du vrai sucre. Donc, c'est la même, pas la même formule qu'ils utilisent, j'imagine, pour le Coke. Évidemment, pas la même formule que Pepsi rétro. On s'en va pour le Coke au sucre, mais ça doit se ressembler en termes de goût. Donc, Pepsi, Sprite, Sierra Mist et d'autres boissons gazeuses sont aussi disponibles en format donc cachère pour la... Encore une fois, rappelle-moi le mot que tu as utilisé. Moi, j'ai utilisé carême. Carême, le mais carême. Écoute... C'est très christianisme, je crois le carême. C'est chrétien, ouais, c'est ça. Ouais, très chrétien. Ils doivent avoir un terme plus spécifique. Ouais, on parle du Passover. Donc, ouais. Je cherche un peu le mot Passover pour essayer de le trouver en même temps que toi. Là. Essayer d'avoir la réponse avant qu'on finisse la chronique. C'est ça. Il n'y a pas grand chose de mon côté, mais bon. Bref, c'est ça, c'est la formule avec le bouchon jaune. Ensuite, on s'en va en Irak. Il y a un restaurant basé sur l'image de McDonald's, mais qui s'appelle Madonald's. Oh. Il sert des Big Macs M-A-C-K-S. Donc, c'est la région Kurdistan, en Irak, qui a un restaurant basé sur McDonald's qui s'appelle Madonald's. Les propriétaires du restaurant travaillaient chez McDonald's à Vienne, en Autriche, dans les années 70. Ils ont décidé d'acheter leur propre franchise dans les années 90 et ouvrir ça en Irak. Par contre, à cause des restrictions économiques du gouvernement de Saddam Hussein, McDonald's a refusé l'ouverture de cette branche-là. Et pour se battre contre ça, ils ont ouvert leur propre chaîne copieuse, si on veut. Donc, les Kurdes qui étaient opprimés dans le régime de Saddam Hussein étaient contents de voir les Américains envahir l'Irak pour jeter le gouvernement à terre et établir leur démocratie. À cause de ça, donc, McDonald's sert les militaires américains gratuitement. Okay. Depuis ce temps-là. Une des choses les plus populaires, les articles de nourriture les plus populaires, c'est le Big Mac M-A-C-K, qui est pareil comme son Big Mac cousin. Miam. Tu parles de ça, puis j'ai le goût de manger ça ce midi. Ce midi ou ce matin? Oh. À 9h30, 9h32, là chez McDo. Ouais, il n'y a pas d'heure. Le là en Irak chez Madonna. tu t'es peut-être déjà posé la question, combien de gallons de poudre Kool-Aid ça prendrait pour Colin mettre du Kool-Aid dans les courants d'eau du monde entier? Oui, oui. Et souvent, ça m'arrive. Je me dis, quel gag je pourrais faire? Quel gag! donc, ce serait presque impossible, en fait, donc de faire exactement la même saveur que le Kool-Aid dans l'eau du monde parce que le sel de l'océan ferait un goût de sucré-salé. À la place du goût traditionnel sucré du Kool-Aid. Le nombre de paquets de Kool-Aid que ça prendrait, ce serait environ 732 quintillions. C'est-à-dire 732 suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets de 3-0 chaque. Okay? Mon Dieu. Ou encore 7,32 fois 10 à la 20. Parfait. Fois 10 à la 20. Donc, si on parle personne par personne, ce serait 10 milliards de paquets de Kool-Aid dompés dans l'océan par chaque personne sur Terre. 10 milliards par personne. T'imagines-tu comment t'es tanné d'ouvrir des petits sachets? Ah oh, non! Puis là, il faut que ce soit tout de la même saveur, fait qu'aucune variété. Mais non, c'est ça. Puis là, tu veux même pas prendre ton petit bâton comme dans le temps, là, tu sais, que tu lichais ton bâton, tu prends ça dans la poudre, là. Tu peux plus faire. Non. À la place, contentons-nous de la piscine olympique. Oui, c'est ça. À plus petite échelle. Les pistaches. Ah, oh, ça, c'est bon. C'est très bon, les pistaches. Savais-tu que dans le temps, c'était teint rouge? OK. Ouais, donc la graine. Ça va barbecue? Ça va barbecue, c'est ça. Donc, la graine, donc le grain de la plante pistache, qu'on appelle souvent une noix, mais en fait, c'est pas vraiment une noix, c'est un fruit qui est naturellement une coquille dure, qui est un petit peu blanche, côté couleur. Qui a la graine, une genre de petite peau verte pâle avec un goût très, très distinct. Quand le fruit devient mûr, la coquille va se séparer et on va entendre le petit pop qu'on connaît tous. Chaque pistache, chaque arbre de pistache, en fait, en moyenne a 50 kg de graines ou environ 50 000 par 2 ans. D'accord? Donc, la coquille de la pistache est naturellement beige ou blanche. Les pistaches commerciales, avant, étaient teintes rouge ou verte. Et disons que tu te retrouvais avec de la couleur à ses doigts. Oui. Si on veut. À l'origine, la raison de colorer, c'était les importateurs qui voulaient camoufler les taches sur les coquilles. C'est que quand on les ramassait à la main, ça causait des marques, des taches sur la coquille. La plupart des pistaches maintenant sont ramassées à la machine et donc les coquilles ne sont plus tachées par des mains, ce qui fait donc que c'est pas nécessaire du tout de les teindre. Certains consommateurs, clients, gens qui achètent des pistaches, se sont tellement habitués aux pistaches rouges. Il y avait une attente d'avoir, dans le fond, ils voulaient avoir du rouge, ils pensaient qu'il y aurait du rouge. Donc, il y a encore des pistaches de nos jours qui sont teintes rouges. Mais okay. Ça reste très, très rare. Les graines de pistaches rôties peuvent être artificiellement teintes rouges si elles sont marinées avant d'être rôties dans du sel et de la marinade de fraises. Oh! Mais apparemment que c'est très bon. Bon, j'imagine. Ça peut aussi être dans des jus d'agrumes et du sel. Intéressant. Ensuite de ça, les Américains mangent beaucoup plus de sucre maintenant qu'il y a 200 ans. Donc, le sucre que les Américains consomment à chaque 5 jours est maintenant environ la même portion qu'ils consommaient dans une année il y a 200 ans. Le sucre est évidemment l'ingrédient ajouté le plus populaire dans les nourritures aux États-Unis. On ajoute ça que ce soit aux bonbons, aux trucs qui sont supposés être santé comme du beurre d'arachide. Le plus grand coupable du sucre dans la diète, le régime des Américains, c'est les boissons gazeuses. Une seule cuillerée à thé de sirop de maïs ajoute environ 20 calories. OK. Un Américain moyen mange 2 livres de sucre par année, mangeait 2 livres de sucre par année au début des années 1800. Ça a augmenté à 123 livres de sucre par année en 1970 et aujourd'hui 152 livres de sucre. Ah. C'est pareil comme manger 3 livres de sucre par semaine. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Les nutritionnistes suggèrent que seulement 10% de la diète des Américains devrait venir du sucre. Basé sur une diète de 2000 calories par jour, ce sera environ 13,3 cuillerées à thé par jour. C'est rien comparé aux 42,5 cuillerées à thé par jour pour l'Américain moyen. Inacceptable. Mais en même temps, j'en veux plus. Oui. On vient chez McDonald's, leur jeu Monopoly en 2013, le morceau Boardwalk, oui. C'est une pièce en particulier, c'est un petit morceau de papier collant, était tellement rare ce morceau-là, Boardwalk, que la chance d'en trouver un était de 1 chance sur 602 490 000 60. Mon Dieu! Aucune chance de gagner le gros lot. Donc, McDonald's donnait évidemment à ses clients la chance de gagner de très grands prix dans leur petit jeu en 2013. Les prix, entre autres, c'était de l'argent, des voitures et plus. Avec l'achat de certains produits spécifiques chez McDonald's, donc les morceaux de jeu de Monopoly pouvaient être ramassés. Et avec ces morceaux-là, on pouvait gagner soit instantanément, mettons, un hamburger ou bien les collectionner et ramasser de grands prix comme $1 million en argent. Donc, si on réussissait à trouver les morceaux les plus rares, c'était sûr qu'on pouvait gagner quelque chose de plus gros. Hein? Donc, on parle de Boardwalk, le numéro 452. Comme on a dit, c'était pour gagner $1 million. Et les chances étaient de 1 sur 602 millions et plus. La chance de gagner, de trouver Park Place était 1 sur 11. Les chances de trouver le morceau avec un Big Mac gratuit étaient pas mal meilleures que trouver ces deux morceaux-là, Park Place et Boardwalk. Les chances de trouver les deux pièces qu'il fallait pour gagner gros lot, donc Park Place ainsi que Boardwalk, étaient 1 sur 3 milliards 50 412 898. Et les chances de trouver les deux sur un Big Mac étaient de 1 sur 37 955 000. Donc, il y avait des morceaux qui étaient distribués dans des produits différents. Ben oui, quand même. Un peu comme, j'imagine, les produits les moins populaires devaient avoir des morceaux un petit peu plus rares une fois de temps en temps. Mais qu'est-ce qu'ils font avec d'après toi, les prix non réclamés? Ouais, je sais pas. Hein. C'est une bonne question. Je me le demande. Ils gardent pour eux autres. Ben ouais, ben peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je me demande si légalement, t'as pas le choix de donner à quelqu'un ces prix-là. Mm. Je sais pas. Bonne question. Le président, directeur général de la compagnie. C'est tous les actionnaires vont gagner un burger. Minimum. Donc, l'ingrédient secret du Ferrero Rocher. Oh. C'est les petites boules là, qu'on adore tant. Là. Est-ce que tu veux t'aventurer à deviner ce que c'est peut-être à l'intérieur? Tu as peut-être goûté et tu t'es dit ça goûte quelque chose que je connais déjà. Le Nutella. Le Nutella. C'est exactement ça. Donc, Nutella, qui est la tartinade aux noisettes, qui est devenue une des choses les plus recherchées dans le monde. Tout le monde adore ça. C'est le même mélange de noisettes et de cacao trouvé dans les chocolats Ferrero Rocher. Un Nutella qui a été inventé en 1944. par le fondateur de la compagnie Ferrero, Pietro Ferrero, à l'arrière de sa boutique, de son petit magasin de pâtisserie dans le nord de l'Italie. Ça a été créé à partir d'une expérience. On mélangeait noisettes et cacao pour essayer de prolonger la durée de vie du chocolat parce que ben c'était en manquait finalement. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les rations, tout ça, les gens ne pouvaient pas manger ce qu'ils voulaient. Donc Ferrero voulait faire quelque chose pour le déjeuner qui pouvait être aimé, placé sur une tranche de pain pour se mettre en forme si on veut. Donc quand Ferrero a découvert que les enfants jetaient le pain et mangeaient seulement le chocolat, donc il a changé sa recette pour que ce soit plus tartinable, plus crémeux. Donc c'était des noisettes, du lait écrémé et du cacao. La tartinale qui était renommée, au départ, c'était Super Crema Gianduja en italien. C'est devenu Nutella en 1963. Ça faisait partie d'une campagne de marketing partout dans le monde. C'est pas avant 1983 que le produit a été importé aux États-Unis. Donc, j'imagine en Amérique du Nord, plus en haut après. Donc, Nutella qui a été un succès instantané aux États-Unis. Donc, c'est produit dans des usines partout dans le monde. Et la tartinade est célébrée le 5 février. Je sais pas si je t'avais déjà dit ça, que c'était la journée nationale du Nutella. C'est Nutella, mon Dieu. 5 février. Oh. Ensuite, il y avait des problèmes dans un édifice, dans la construction d'un édifice. Les gens n'avaient pas le temps d'aller dîner. Donc, ils ont construit un Subway dans le ciel. OK. Construire un gratte-ciel, c'est quand même assez compliqué, mais quand c'est une nouvelle bâtisse de 105 étages, les nouvelles tours Trade Center Towers, les choses étaient encore plus compliquées. La logistique de la construction de la bâtisse est déjà impressionnante, mais en plus, quand on doit descendre et monter pour aller dîner et qu'on n'a pas tellement de place pour monter et descendre, ça devient compliqué. Donc, en 30 minutes, il n'y avait pas le temps d'aller dîner. Trop de travailleurs, trop peu d'ascenseurs, d'ascenseurs ou de lift. Ouais. Donc, pour résoudre le problème, la compagnie de construction a trouvé une excellente idée. C'est de donner un contrat à Subway pour faire fonctionner un restaurant dans un container suspendu au même niveau que les gens qui sont en train de travailler dans la bâtisse, sur la tour, les tours. Donc, les gens bougeaient de haut en bas et le Subway déménageait aussi. Le concept a été un énorme succès, mais ce n'est pas tous les clients qui étaient satisfaits. On peut se douter, un porte-parole de la compagnie a dit que Subway, dans le ciel, c'est bien le fun, mais il y a des gens qui préfèrent des options un petit peu plus grasses. Ils auraient aimé ça avoir un petit peu de graisse. Ah ouais? Tu sais, comme chiant, t'as un restaurant c'est pas qui... C'est pas gras. Wow. Hey, hein? Ça chiant dessus pour rien, ça. Hein? Ouais. Quand même. Donc, ça leur a sauvé 90 montées et descentes par jour. OK. C'est quand même... C'est cool. Mais moi, je veux mon McDo. Si tout le monde mangeait ses légumes, on augmenterait la productivité du monde de 20%. Donc, non seulement est-ce que les enfants devraient manger leurs légumes, mais tout le monde devrait aussi. La World Health Organization, la WHO, la WHO, estime que 2 milliards de gens, ou environ 30% de la population du monde, souffrent présentement de manque de fer. Et cette situation-là est encore pire dans les pays qui sont sous-développés, mais aussi quand même dans les nations industrialisées. La cause principale du manque de fer est une diète incomplète, et donc c'est une des conditions de santé les plus répandues dans le monde aujourd'hui. La raison pour laquelle les gens ne réalisent pas qu'ils sont en manque de fer, c'est à cause des effets très subtils de cette condition-là. Les problèmes de santé, dans le fond, on peut parler entre autres de la fatigue, la lenteur à l'école ou au travail, la difficulté à se concentrer. Souvent, on peut retracer ça à un manque de fer. Le WHO estime que le manque de fer, si on ne l'attaque pas dès maintenant, donc il va y avoir encore plus de problèmes. On parle de 20% donc de baisse de productivité aux États-Unis, bien sûr. Et finalement, un docteur anglais a demandé à ce qu'on bannisse les couteaux de cuisine qui avaient un bout pointu. En 2005, un groupe de docteurs britanniques a proposé au gouvernement à ce qu'on bannisse ces couteaux-là complètement. Et le docteur a remarqué qu'il y avait une augmentation dans les crimes violents. Beaucoup de poignards, de poignardages, poignardements à cause des couteaux de cuisine. On dit que c'est ça, que c'était pas nécessaire. On parle aussi évidemment du fait que c'était lié avec la drogue et l'alcool, ce qui a mené au docteur de supposer que si ça avait pas été un couteau à bout pointu, ça aurait été d'autres choses à cause de la drogue et de l'alcool. Donc c'est pas la faute des couteaux. Ils ont consulté un groupe de chefs reconnus qui ont dit qu'il n'y a pas vraiment de raison de bannir. Eux, ils ont dit qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir un couteau à bout coupant. C'est ce qu'ils ont dit les chefs. Mais quand même, malgré le haut niveau de logique derrière ce groupe-là, on peut toujours acheter des couteaux à bout pointu. Ouais. Un petit peu partout. Voilà. Surtout en Grande-Bretagne où ça s'est passé à l'origine. Voilà, c'était mon bloc nourriture. Food Edition, hashtag foodies. Oui. Puis je ne vais plus jamais te voir avec un couteau pointu. Non. Je vais essayer de m'y. Pour tartiner du Nutella. Là. Ça va pas bien. Ça va pas bien avec un couteau pointu. Non, ça va pas bien. Ça le prend mal. Puis c'est frustrant. Frustrant. Parce que ça en prend pas assez. Non, moi, je vais directement avec la langue dans le pot. Moi, je vais à la grosse cuillère. À la grosse cuillère. Mmh. Et que t'es tellement classe avec ta cuillère dans ton pot de Nutella. Ah, directement à la langue. Donc, on fait cet effet les lundis à l'Assemblage Rick. On est tout pour une autre pause, hein? On dit pas non, pense après ça, ça va être son foutu palmarès et je t'ai préparé, Jean-Philippe, quelques listes assez intéressantes. Entre autres, 10 choses. Tu te rappelles, l'autre fois, on a fait 10 choses qu'on devrait acheter au magasin à 1$. Oui. Ça va être le contraire, 10 choses à ne pas acheter. OK. Ah, ça, c'est cool, ça. Restez là, Assemblage Rick qui revient dans 2 minutes. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Ok, il s'en passe des choses ce matin à Assemblage requis. Comme toujours. Donc, on est toujours là, à l'émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est Jean-Philippe Chabot. Lui, c'est Mathieu Plante. Dans quelques instants, son foutu palmarès. Entre autres, dans cette chronique-là, aujourd'hui, je vais te dire 10 acteurs. Plusieurs acteurs, parce qu'il y en a qui ne sont pas connus, je te dirais pas. Okay. Mais quelques acteurs connus qui ont un jumeau ou jumelle moins connu. Ah, OK. Ah oui, OK. Intéressant. Ouais. Mais avant ça, voici Chicken and Clark, de Lederhosen, Lucille et Kristen Muir. Ah, son merveilleux. Oui, pédale. Ah oui. Ring, ring. Playing chicken on clock, tracking down the street. Got my helmet on my head and my shoes on my feet. Playing chicken on clock, tracking down the street. With my helmet on my head and my shoes. Don't wanna meet the Grim Reaper when I'm riding on my bicycle. I don't wanna meet the Grim Reaper when I'm biking down the street to meet ya. Screaming, you're the one to meet, the Grim Reaper. When I'm riding on my bicicleta, the grass it always smells sweeter. When I'm biking down the street to meet ya, yeah. Me, 'cause I'm close to the track. Lederhosen, Lucille et Kristen Muir. Chicken on track. Répète-moi ça. Chicken on track. Lederhosen, Lucille et Kristen Muir. Wow. Je suis obligé de le dire, je l'ai fait jouer beaucoup trop souvent cette chanson-là. Elle est très bonne. C'est un classique pour moi. Tiens, qu'est-ce qui est classique aussi? C'est le beurre. Oui. Le lait. Le pain. Les chips, la liqueur, le chocolat. Voici son foutu palmarès. Des sons foutus palmarès. C'est la chronique où on établit une liste sur un sujet, un peu comme je viens de le faire avec des articles d'épicerie, vous avez remarqué. Mm-hmm. T'as remarqué ça, toi? Ben oui. Ben je sais bien. Facile. Donc, cette fois-ci, on parle du top 10 des choses que vous ne devriez pas acheter au magasin à 1$. On a déjà fait quelques semaines les choses qu'on pouvait acheter. Ben oui, puis qui valent la peine. Des trucs de pharmacie, des affaires comme ça. Donc, ben c'est ça. C'est une liste très intéressante sur assemblagerequis.com. Ben, il y a des affaires qui sont trop de mauvaise qualité ou encore qui ne sont pas de bonnes affaires. Pas de bonnes affaires comme pas des bonnes choses, mais de bonnes affaires comme dans de bons marchés pour le prix, tu sais. Donc, on fait la petite liste. On commence avec les appareils électriques. OK. S'il y a une prise électrique dessus, achetez-le pas. pour vrai, parce que Counterfeit Underwriters Laboratories, ça existe. Et ça, c'est un saut de sécurité par rapport aux normes d'électricité. Et souvent, ces produits-là n'auront pas le saut. Ils ne l'ont pas requis. Donc, c'est pas une garantie de qualité, mettons. OK. Ensuite, les trucs de sacs de plastique pour mettre de la nourriture, des emballages de plastique, du papier d'aluminium même. On dit de ne pas acheter ça dans les magasins à 1$. La quantité et la qualité de ces choses-là, c'est juste pas à la hauteur. OK. Nous dit-on. Ensuite, les ustensiles de cuisine. Donc, ça se pourrait très facilement, tu vas avoir une spatule fondue. C'est pas nécessairement bon si ton plastique fond dans ta bouffe. C'est qu'après ça, ce sera pas bon pour toi. Non. ensuite... On en a une à la maison, ouais, d'ailleurs, fondue. Ben oui, mais on a tous ça, moi aussi, ben oui. Ça, c'est sûr. Ou tu le mets sur le bord de ta poêle. Donc, c'est pas une bonne chose. Ensuite, ça, c'est plus pour les États-Unis. Je pense même pas qu'on a ça. Peut-être, je sais pas, je vais passer souvent là, mais les vitamines. Donc, les experts disent qu'on devrait pas, pour commencer, prendre autant de vitamines dans la vie. C'est pas bon pour toi de prendre autant de vitamines que ça. Mais t'es mieux de visiter un magasin de santé ou une pharmacie si t'es pour acheter, de toute façon, des vitamines. Ensuite, les jouets. Les jouets disponibles dans les magasins à 1$ sont souvent vraiment pas faits fort ou pourraient même être dangereux pour vos enfants. Souvent, on entend parler quelques années plus tard de produits qui sont rappelés par les compagnies. Plein de plomb. Ben, souvent, ils étaient vendus dans ces magasins-là. Ouais. Ça arrive. Ensuite, une autre chose très américaine, parce qu'on a certainement pas ça ici, mais les médicaments. Si vous allez aux États-Unis, n'achetez pas de médicaments dans les magasins. Wow. Ça pourrait arriver un voyage aux États-Unis, tu veux des pilules pour le mal de tête, t'achètes pas ça dans 1$ à mort. Bon, voilà. Ça pourrait être des contrefaçons, nous dit-on. Ah. Des mitaines pour le four et des trucs pour tenir un chaudron, pour tenir la poignée d'un chaudron, si on veut. Donc, c'est souvent très, très cheap et ça va en effet fondre. Oui. Ou tu sens la chaleur après une seconde. Vraiment, c'est pas très, très long. Ensuite, toujours dans le palmarès des choses à ne pas acheter dans un magasin à 1$, on parle de liqueur, de boissons gazeuses. Souvent, c'est pas un bon marché. C'est pas pour la qualité, mais c'est pas bon marché. Ah. Donc, surveillez les bons marchés dans les supermarchés, les magasins un petit peu plus connus. Souvent, les prix vont plus valoir la peine que dans un magasin. Moi, j'y aurais cru, par exemple, ça. Peut-être pour les canettes. Non, même, ouais. Même pas. C'est quand c'est, mettons, c'est deux pour une pièce. Mmh. C'est quand même 50 cents de la canette. C'est plus cher qu'à l'épicerie. Mais bon. Donc, et sinon, les outils. Numéro 9, t'achètes un marteau à 1$, ça va sûrement faire la job pour une pièce aussi. C'est pour ça que j'arrive pas à viser les clous. Tout le temps sur le pouce. Et finalement, la gomme à mâcher, encore une fois, juste parce que c'est pas un bon marché, côté prix, ça vaut pas vraiment la peine. Mm. Mais faites le calcul vous-même. Si jamais c'en est un bon marché, achetez-la, il n'y a pas de problème. Mais quand je dis que c'est la qualité, là, achetez-le pas. T'sais. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà pour la première partie, c'était très très rapide ça. Ben quand même. Très simple. Ben justement, pour accompagner ça, j'ai deux pièces, mais une très très courte et une un petit peu plus longue. La première ne contre pas parce qu'elle dure que 24 secondes. On commence avec des Might Be Giants. Voici Dollar for Dollar. were only ever passing through. Cartilage and Sinew was the name of her act, and it's true, you noticed, it's all I can do. In a world that's beaten everything black and blue, they are a silver tenny dollar. Winter's over, the war is over. A parcel of landmen ask come, it's true, they'll love you. Silver Jenny Dollar par The New Pornographers. Assemblage requis. On était dans son foutu palmarès. Oui, monsieur. Tu te rappelles? Ben oui. Il y a 3 minutes environ. Maintenant, on va faire le top des acteurs qui ont un jumeau ou une jumelle moins célèbre. Ça, c'est chiant. C'est chiant pour eux. Ah, je sais pas s'ils sont pas vedettes, qu'ils sont pas fins. Ah, c'est vrai. Même ils sont peut-être très heureux. Peut-être qu'ils font des choses plus importantes, d'ailleurs. Donc, Scarlett Johansson. Oui. Là, t'es tout excité. Ah! Oui! Elle a une jumelle. Sœur. Non. Elle a un frère jumeau. C'est un petit peu traître. Un frère jumeau nommé Hunter Johansson, qui était conseiller pour la campagne électorale de Barack Obama en 2008. Hunter n'a pas choisi de faire une carrière dans le domaine du cinéma, comme sa sœur, mais les jumeaux sont apparus ensemble dans le film Money and Law en 1996. Donc quand même, il a un petit peu d'expérience. Un petit peu. Ensuite, Vin Diesel. Mais... Oui, l'autre, c'est Vin sans plomb. Je sais pas une sœur. Non, c'est... non, en fait, non, il y a un frère. OK. Frère jumeau. Donc, s'appelles-tu Vin Super? Vin Super, c'est pas bien. Diesel, super. Donc, okay. Vin Diesel, son vrai nom qui est Mark Sinclair Vincent, a une carrière devant la caméra. Son frère, jumeau fraternel, donc non identique, a une carrière derrière la caméra. Paul Vincent, qui est éditeur, donc monteur de films. OK. Ensuite, Ashton Kutcher. Bon, pour mesdames. Ben pour mesdames, mais disons que son cas est assez particulier. Vous allez voir, Ashton Kutcher, qui est né Christopher Ashton Kutcher, a un jumeau fraternel nommé Michael. Quand il était enfant, Michael a développé une paralysie cérébrale, une cardiomyopathie. Donc, ça a demandé un transplant une transplantation de cœur pendant son adolescence. Avant d'être la vedette de That 70's Show, Ashton Kutcher est allé à l'université de l'Iowa. Il a étudié l'ingénierie biochimique. Donc, il était inspiré. Il voulait trouver une cure pour la maladie du cœur de Michael, son frère. Michael, qui est présentement porte-parole pour Reaching for the Stars, une organisation pour les enfants avec la paralysie cérébrale. Voilà. OK. Ensuite, Kiefer Sutherland. Le Canadien Kiefer Sutherland est né avec sa sœur jumelle, Rachel, Rachel. Rachel qui travaille derrière le rideau à la télé. Elle est superviseure à la post-production sur des films et des émissions de télé à Toronto. Génial. Tout le monde reste dans le milieu. Ben, on dirait, je sais pas, ouais. Cette famille. Ensuite, je sais pas si tu connais Giovanni Ribisi. Qui était entre autres dans Friends et dans plusieurs films à Hollywood. Mais Giovanni Ribisi a une sœur jumelle, Marissa, qui a une carrière comme actrice à Hollywood. Elle a eu des rôles dans le film Brady Bunch, Pleasantville et Dazed and Confused. Elle a pris une petite pause au début des années 2000. Elle a marié le chanteur et auteur-compositeur-interprète Beck en 2004. Jeff Beck, on connaît. Marissa qui a aussi une ligne de mode nommée Whitley Crows qu'elle a lancée en 2007. Ensuite, Linda Hamilton, on la connaît pour Terminator 2. Judgment Day, pas de Leslie Hamilton Guerin est la sœur jumelle identique de l'actrice Linda Hamilton. Leslie, qui est une infirmière professionnelle, elle était aussi la cascadeuse de Linda dans 3 scènes dans Terminator 2 Judgment Day. C'est drôle, ça. C'est bizarre. Oui. Ensuite, Parker Posey, on la connaît un petit peu moins, mais quand même, la reine des films indépendants des années 90. Elle est apparue dans plusieurs films. Non, Dazed and Confused, Party Girl et Waiting for Guffman. Elle a un frère jumeau qui s'appelle Christopher, qui est avocat à Atlanta en Géorgie. Ensuite, Joseph Fiennes, qui a 5 frères et sœurs biologiques qui ont tous une carrière dans le domaine des arts. Son plus vieux frère, qu'on connaît très bien, Ralph Fiennes, On l'a vu dans tellement de films romantiques. Il est un acteur nominé aux Oscars, aux Academy Awards. Son autre frère, Magnus, est un compositeur et ses sœurs, Martha et Sophie, sont des... dans le fond, faut travailler dans le cinéma aussi. Joseph a aussi un frère jumeau. Un film? Jacob, qui a choisi de ne pas faire dans le cinéma. Bon, donc, le seul. Le rejeton. Mais ça. Le rejeton. Le rejeton. Ensuite, John Ader, on le connaît pour Napoleon Dynamite. Oui. Qui a un frère jumeau identique. Il a fait quoi, lui, après? Il a-tu continué à faire des films? Je sais pas. On va aller voir. Je sais pas, c'est une question vraiment à brûle pour point. Là, je suis prêt à aller voir ça. Moi, je suis toujours à brûle pour point moi-même. Okay. Donc, John Ader, si on va sur IMDb, en 2000... Là, il est dans plein de films qui sont en post-production. En ce moment, j'en compte comme une bonne, bon 5-6 films en production. Mais sinon, dans des films, il a joué des voix, surtout... surtout des voix. Je te dirais. Après Napoleon Dynamite en 2012, là, il y a une série télé où il a fait une petite apparition. C'est vraiment surtout des apparitions, à ce que je vois. Okay. Donc 2014 a l'air d'être plus son année. Bon, tant mieux pour lui. Tant mieux. Donc John Ader, qui est connu pour son rôle titre dans Napoleon Dynamite, un frère jumeau identique Dan Ader, qui travaille derrière le rideau en animation et en effet visuel. Son frère, les deux frères en fait ont travaillé sur un film nominé aux Oscars, Monster House, en 2006. John était la voix du personnage de Reginald Skull Skolinski et Dan était un des animateurs donc du film, un des gens qui travaillent sur l'animation. Voilà, c'était cool. Toute une équipe. Mais hein, belle gang, ça, belle gang. Tu devrais venir à Montréal pour juste pour rire le truc des jumeaux. Là. Ben oui, le défilé. À chaque année. voilà donc pour le palmarès des acteurs qui ont un frère ou une sœur, jumeau ou jumelle dans la vraie vie. Et, on va avoir le temps pour une troisième partie dans quelques instants. C'est cool, hein, on prend tout notre temps. Tout notre temps. Faut relaxer. Voici Ariel, vice étrange. Sur C'est fou. Après ça va être le palmarès des films qui copient d'autres films de Disney. Genre. Ah ouais, j'aime ça. De dépressant en stimulant. De l'autre des saisons, de paiement à un mot. C'était Ariel avec Vice étrange. Oui! Vice étrange. Pourtant, c'est une carré. Un bout carré. Vice étrange. Une vis. On était toujours dans son foutu palmarès. Oui, je tape dans le dos, Jean-Philippe. Oui, tu tapes dans le dos. Ça va bien aller. Troisième partie, on va faire le palmarès des films qui ont été copiés par d'autres compagnies pour tirer profit de la pancarte, de l'affiche et du nom. Mm-hmm. Ouais, commençons par Frozen. Frozen... Un film d'animation, évidemment, de Disney. Hein? Donc, après la sortie de Frozen, la compagnie Phase 4 Films a sorti un film animé qui s'appelait Frozen Land. À l'origine, il s'appelait The Legend of Cirilla. Le distributeur du film a changé ce film qui est canadien-français, donc québécois, mettant en vedette Rachel Lefebvre. C'est un film d'animation aussi. Donc, pour évidemment capitaliser sur la sortie du film. Donc, il est sorti à la fin du mois de novembre, à peu près en même temps que Frozen. En fait, The Legend of Cirilla est sorti au cinéma au Canada sous son titre original en février 2013. Ah ouais, OK. Disney a éventuellement poursuivi Phase 4 Films pour avoir intentionnellement menti au public, je peux bien croire. Là. Ben oui. Puis j'imagine qu'il a gagné aussi. En fait, je sais même pas si c'est fini, c'est comment c'est long ces affaires-là. Mais Frozen Land, quand on regarde l'affiche, le logo est placé de la même façon avec la même police pour vrai de caractère que Frozen. La même chose, la même courbe. Ben, peut-être pas exactement, mais c'est tellement similaire que ça s'y méprend. Et des petites fioritures qui ressemblent énormément à Frozen. Mais on voit quand même que, dans le fond, c'est un film qui parle, on dirait, de loups. Ou de renard, quelque chose comme ça, et d'une jeune fille qui n'est pas du tout pareille comme l'héroïne du vrai film. Donc, c'est vraiment juste le film, le titre et le logo, pas le reste. Le fait que ça se passe l'hiver, puis dans une cabane, il y a de la neige. Mais sinon, c'est à peu près tout. Mais assez pour duper un enfant. Exactement, duper un enfant. Entre autres, comme on dit sur Netflix, des trucs comme ça, quand tu vas voir le poster Frozen quelque chose, tu vas pas nécessairement aller voir les détails, lire le résumé, tu vas juste faire play, puis là, ben, soudainement, quand même, les gens le regardent. Exact. Bon. Ensuite, Atlantic Rim. Pour aller avec Pacific Rim. Oui. Évidemment. Donc, sorti quelques jours avant Pacific Rim, The Asylum, qui est un nom que vous allez reconnaître parce qu'on va le mentionner souvent. Donc, sorti Atlantic Rim sur DVD. C'est un film à faible budget qui a presque la même histoire que le film majeur. Ça se passe à New York à la place de Hong Kong. Atlantic Rim avait un budget de 500 000 $ par rapport à Pacific Rim qui en avait 190 millions. Donc, petite différence ici. Ensuite, Apocalypse Z pour remplacer World War Z. À l'origine, ce film-là s'appelait Zombie Massacre. C'est un film de zombies italien qui a reçu le titre Apocalypse Z quand c'est sorti sur DVD au Royaume-Uni pour capitaliser sur l'anticipation du film World War Z, mettant en vedette Brad Pitt. Le film était une adaptation d'une série de jeux vidéo du même nom. En fait, je sais pas si c'est une série ou juste un jeu vidéo pour la Nintendo Wii. Le très populaire réalisateur de films mauvais allemand. C'est vraiment, il est reconnu pour ses films mauvais. Ses films mauvais. Uwe Boll a produit Apocalypse Z et a même fait un caméo dans le film. Il jouait le rôle du président des États-Unis. Ah, c'est drôle. Il s'est donné lui-même le rôle du président. Ensuite, Street Racer pour aller avec Speed Racer. Le film à très très petit budget, Street Racer, ressemble énormément au titre de Warner Brothers Speed Racer, le film d'action qui ressemble... En fait, celui-là, de la copie, le scénario de la copie Street Racer, ressemble un petit peu plus à Fast and the Furious qu'à l'autre. Mais bon, le film a quand même une ressemblance à d'autres films de la compagnie Asylum. Speed Demon sorti en 2003 et Death Racer sorti en 2008. Donc, ils savent comment faire des films de char. Mm-hmm. Ensuite, Android Cop pour aller avec RoboCop. Qui est sorti très récemment, donc sorti une semaine avant la nouvelle version de Sony, en fait, avant son arrivée au cinéma. The Asylum, encore une fois, a produit Android Cop, mettant en vedette Michael J. White. un très grand nobody. Aïe, aïe. Ensuite, tu vas aimer celui-là. T'as-tu vu la grosseur du gun sur ce... Aïe, aïe, hein? Ouais. C'est intense. C'est pas la grosseur du gun qui compte, mais c'est impressionnant. Ils ont même pas mis de casque au gars, tu sais, c'est le gars en arrière sur la couverture qui a un casque. Ouais. Si tu veux imiter Robocop, force-toi. Mais il aurait dû faire Robot Cop ou genre Robot Police. Ouais, genre. Quelque chose comme ça. Et ensuite, le film Up de Disney Pixar. Oui. Tu te rappelles? Très bon film, d'ailleurs. Ben oui, mais hein, le classique Up, il y en a un qui s'appelle What's Up Balloon to the Rescue. C'est un studio d'animation brésilien, Video Brinquedo, qui veut dire Toyland Video. Ils sont connus pour leurs films à très faible budget, directement sur DVD, qui sont faits pour ressembler à plusieurs films de Disney, Pixar, DreamWorks, etc. Donc, What's Up Balloon to the Rescue est une copie évidente de Up, et les deux films sont sortis aux États-Unis à l'été 2009. Par contre, à la place d'avoir un 1000 petits ballons pour soulever sa maison, comme dans Up... Lui, il y a un gros ballon. Il y a un seul gros ballon. Aussi connu sous le nom de Montgolfière. Mais juste une Montgolfière, tout ce qui est plus classique. C'est comme ça. Ensuite, The Apocalypse pour aller avec Armageddon. Mais est-ce qu'on a la chanson de Aerosmith dedans? Oui. Donc, en 2007, The Asylum a sorti cette version directement sur DVD, The Apocalypse, avec des similitudes, de similarités. C'est similaire. En français, je me mêle tout le temps entre les deux. C'est simili. C'est pareil. Simili-poulet. Donc, de ce film rempli d'astéroïdes qui est sorti une décennie plus tôt. Donc, Armageddon et aussi Deep Impact. Donc, The Apocalypse, à l'origine, était conçu comme juste un film d'action bien normal. Mais ceux qui investissaient de l'argent voulaient que le film ait un thème religieux pour vraiment attirer les chrétiens. Ah ben. D'accord. Donc, The Asylum a créé une sous-branche de leur compagnie qui s'appelle toujours Faith Films. Donc, c'est une branche de distribution avec des films à tendance religieuse. Donc, c'est eux qui ont sorti The Apocalypse. Ah ben. Et leur slogan du film, c'est « Today, Heaven and Earth Collide ». Aujourd'hui, le paradis et la terre font... Collision. Kaboom. Ensuite, Transformers Fall of Man pour aller avec... J'ai mal dit. Transmorphers Fall of Man pour aller avec Transformers Revenge of the Fallen. Ah, donc, c'est un mockbuster qu'on appelle, donc un blockbuster, mais en version parodie, si on veut, de Transformers de Michael Bay en 2007. Ensuite, Alan Quaterman and the Temple of Skulls pour aller avec Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Sorti en même temps que l'autre, donc Alan Quaterman, Main and the Temple of Skulls, était l'adaptation cinématographique d'un roman de 1885 par H. Ryder Guard, britannique. Donc son roman qui s'appelait King Solomon's Mines. L'aventurier Alan Quatermain, j'ai l'impression que c'est difficile à dire. Quatermain. Quatermain. En fait, Quatermain, non? Ouais, je sais pas, man. Mais on dirait que ça se prononce bien Quatermain. Quatermain, ouais. Donc c'était le template qui a mené George Lucas à créer son personnage de Indiana Jones avec le réalisateur Steven Spielberg. D'après moi, l'un a inspiré l'autre plus que l'autre. Ensuite, Bikini Spring Break pour aller avec Spring Breakers. On a tous vu les couvertures de Spring Breakers et on a tous voulu le voir le plus rapidement possible. Oui. C'est le film avec de jolies jeunes filles. En Blu-ray. Oh oui, en Blu-ray. Donc, le film Spring Breakers par Harmony Korine. Alors, il était supposé sortir en 2012. Donc, ce film-là a été repoussé en 2013, mais ça n'a pas empêché les gens, encore une fois, de The Asylum de sortir Bikini Spring Break avec presque la même prémisse. Donc, quatre jeunes filles d'un collège conservateur qui s'en va à Fort Lauderdale en Floride pour vivre une pause printanière sur la plage. Ben oui. Presque nu. La couverture est pas aussi jolie, je trouve. Non. Les filles sont jolies, mais je trouve que Selena Gomez est imbattable. C'est pas pareil. Ensuite, Pirates of Treasure Island pour aller avec Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest. Donc, sorti une semaine avant Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest à l'été 2006, Pirates of Treasure Island empruntait les mêmes thèmes que le populaire film de Disney. Ben oui. C'est assez évident par la couverture. Par la couverture, tu vois qu'il y a autant d'argent qui a été mis. Hein? On dirait que c'est même pas du HD. Non, c'est ça. On dirait que c'est pixelisé. Mais ils ont choisi la même façon de cropper les épaules des gens avec un petit fade en bas là, pour montrer le plus de tête possible. Mais bon. Ensuite, AE, Apocalypse Earth, pour aller avec After Earth. C'est pas un gros succès, After Earth, d'après moi. De toute façon, l'original, le blockbuster américain, n'a pas été un si gros succès que ça. Mais avec Will Smith? Oui, c'est ça, exactement. C'était pas si mauvais. Will Smith et son fils. Hein, ouais, son fils, ouais. C'est bon, mais c'est beau. Visuellement, c'est très, très beau. C'était à voir au cinéma plus que... Peut-être, ouais. Donc, AE Apocalypse Earth, son marketing ressemblait, à l'imitation de After Earth, mais AE Apocalypse Earth a été filmé au Costa Rica et est sorti quelques semaines avant le film de M. Night Shyamalan. En tout cas, il a l'air d'avoir le même budget. Le commentaire à chaque fois. Ben non, mais pour le même budget. Ouais, c'est incroyable. Tu sais, il copie, puis... Ben, j'ai quand même réussi. Celui-là, tu sais, quelqu'un qui saurait pas. Surtout que le AE de After Earth ressemble au AE de Apocalypse Earth. Ah, en tout cas. Ouais. Ensuite, là, on parle vraiment de même budget, c'est-à-dire presque aucun pour Paranormal Entity, pour aller avec Paranormal Activity, voilà. Donc, en 2007, Paranormal Activity était un succès surprise au box-office. Shane Van Dyke, le petit-fils de Dick Van Dyke, un acteur connu aux États-Unis, a conçu, écrit et fabriqué ce copiage Paranormal Entity pour la compagnie, encore une fois, The Asylum. Mais ça se ressemble tellement, et en même temps, les deux étaient à faible budget. Il y en a un qui est devenu un succès sans vraiment qu'on sache pourquoi. Ensuite, Alien Origin pour aller avec Prometheus. Eux, ils ont décidé de même pas choisir un titre similaire. Non. Donc, en juin 2012, le réalisateur Ridley Scott a sorti Prometheus, l'histoire d'origine de son film Alien en 1979. Quelques jours après la sortie de Prometheus au cinéma, The Asylum a sorti Alien Origin. Même si The Asylum est connu pour ses mockbusters de faible qualité, Alien Origin est quand même considéré un de leurs pires. Ensuite, pour aller avec Kung Fu Panda, quoi de mieux que Chopkick Panda? Oui. Et si tu regardes la face du panda, là, est-ce qu'ils ont littéralement pris le panda de Kung Fu Panda parce qu'il a la même face? Ouais, il a vraiment la même face. Ils l'ont juste fait un petit peu plus chubby, on dirait. Oui, c'est vrai. Ouais, sûrement pour pas se faire poursuivre. Et tu vois que en dessous de ses pattes, les mêmes empreintes de pied que l'original. Ouais. Donc, en tout cas, je sais pas si on volait le modèle ou autre. Donc, le titre de travail était Taekwondo Panda. Gaïam, la compagnie Gaïam a sorti ce film de 41 minutes directement sur vidéo, sur DVD, Chopkick Panda. Pour évidemment capitaliser sur l'excitation, l'anticipation de Kung Fu Panda 2 en 2011. Netflix a été critiqué après la sortie parce que les clients de Netflix se sont fait duper, se sentaient dupés. Donc, ils ont regardé Chopkick Panda et ont dit c'est pas le vrai film. Premièrement, tu payes déjà pour Netflix, c'est pas un film de plus qui va changer quelque chose au prix. Non, c'est ça. Ça change absolument rien, trouve-en un autre. Au pire, tu vois après 5 minutes que c'est pas le même film, t'arrêtes. Ben, c'est ça, tu payes pas par film, là, tu payes pour Netflix. Tu chiales pas, là. Mmh. Mais bon. Peut-être qu'à l'époque, Netflix, tu sais, leur système de DVD par la poste fonctionnait encore quand même bien en 2011. Tu te rappelles, tu pouvais demander d'avoir un film ou deux par mois, dépendant du par la poste. Puis tu renvoyais les autres, bon. Donc, peut-être que c'était ces clients-là qui ont chialé, mais bon. Ben ensuite, j'espère, en fait, sinon c'est con. Ben moi, je suis pas mal convaincu que c'est ça. Ensuite, on parle de Thor, film. Le film très, très connu. Ben, il y avait aussi Almighty Thor. Hein? Donc, quelques jours après la sortie de Thor par Marvel Studios en cinéma, The Asylum a sorti Almighty Thor. En fait, ils l'ont pas sorti sur DVD, ils l'ont sorti sur la chaîne Sci-Fi, la chaîne de télé aux États-Unis. Donc, le film de Marvel était basé sur la populaire série de bandes dessinées du même nom, mais The Asylum, c'est basé seulement sur la mythologie. Okay. Donc, aucun rapport avec les bandes dessinées. C'est un add-on. En fait, tu sais, ils voulaient faire Thor eux aussi. Aucune capitalisation possible. Évidemment, sarcastique ici. Oui. Ensuite, tu connais High School Musical? Ben oui, certainement. T'aimeras sûrement Sunday School Musical pour l'école du dimanche. Donc, encore une fois, ça vient de Faith Films, la sous-compagnie religieuse de The Asylum. Donc, pour capitaliser sur le succès de High School Musical 3 Senior Year, The Asylum a produit Sunday School Musical, évidemment, où tout se passe dans une école chrétienne pour un public chrétien. Ben oui. Ensuite, on se rappelle de Snakes on a Plane? Oui, un classique. Samuel. Ah, il est bon. J'en ai assez de ces tabarnouches de serpents dans cette tabarnouche d'avion. Cette tabarnouche d'avion. Ils ont traduit ça comme ça? Sûrement pas. Ah, okay. Mais en anglais, c'était Motherfucking! Ben, quoi de mieux pour continuer dans la même lignée que Snakes on a Train? Ah! Évidemment, donc un des premiers films de The Asylum, Snakes on a Train, a mis le studio sur la carte avec ses copies de mauvaise qualité. Les producteurs donc cherchaient du financement pour leur film qui s'appelait Snakes on a Train. Les investisseurs japonais étaient intéressés seulement à cause du poster, de l'affiche du film, mais se sont demandé si le film allait avoir un gigantesque serpent qui allait manger le train. T'sais. Donc, le film d'origine n'avait pas cette scène-là. Okay. Donc, le producteur David Rimawi a ajouté ça pour faire l'argent. Oh mon que le groupe d'investisseurs a donné. Donc, c'est pour ça que le train se fait manger. Ouais. On continue avec, il nous en reste deux derniers, Aliens vs. Avatars pour aller avec Avatar. Donc, évidemment, un film très populaire, Avatar. Mais ici, à la place de juste copier Avatar, on copie aussi Aliens vs. Predator et Avatar. Donc, deux fois en un. Excellent, c'est excellent. Magique. Tant qu'à copier. YOLO. On y va au complet. Hashtag YOLO. Et finalement, Kiara the Brave pour aller avec Disney and Pixar's Brave. À l'origine, ce film s'appelait Super K. C'était par Phase 4 Films. Ils ont retitré, refait l'emballage de ce film animé qui provient d'Inde. OK? Film hindou. C'est Brave, mais en Bollywood. Brave Bollywood. Oui, Braveywood. Donc, ça a été renommé Kiara the Brave. Évidemment, le mot Brave est pas mal plus gros que le mot quand Kiara. Même. Et le 2. Donc, c'est ça. C'est à peu près ce que ça a donné. Le succès n'était peut-être pas là, mais bon, ils ont fait de l'argent sur le dos des gens qui, en plus, je sais pas si ses cheveux étaient roux à l'origine à Kiara, mais ils ont mis roux. Ils ont pas mis bouclé, par contre. Donc, non, des cheveux plats. C'est ça, des cheveux plats. Voilà pour son foutu palmarès. C'était super. Sublime, qu'on dirait. Oui, sublime. Donc, on va se quitter là-dessus. Ça va être la fin de notre émission pour aujourd'hui. Tristounet quand même, mais on va se retrouver demain. Avant de se quitter, par contre, remercions les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Ben oui, merci à Joanie Gagnon. Oui, aux communications du Culture en spectacle 2014. Exactement. Et évidemment, notre autre ami sympathique... Méchac. Voilà. Qui fera une interprétation, d'ailleurs, ce jeudi 13 mars. Une petite chanson. Oui, monsieur. Demain à l'émission, on va avoir évidemment Jean-Samuel Gay de retour de son voyage, de son périple en Floride. En Floride, il va nous parler de voitures dans sa chronique évidemment PRNDS. On va aussi avoir Alexandre Carignan et le temps d'une culture. Et également une autre invité de QTR en spectacle. Bien sûr, c'est demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes plus tard aujourd'hui. Le dîner de con avec Danny Janvier s'en vient à 11h. À 13h, le retour des précieuses ridicules, retour de la relâche. Même chose à 16h pour À vous micro. À 17h, c'est Radar Jeunesse. 18h, Raconte-moi ta ville. 19h, Le voyage de Salette. Et à 20h, Rock de Neurone. Mais dans quelques instants, dans moins d'une demi-heure, ce sera Steve devrait arriver. Superbe. C'est fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission d'Assemblage Requis et les balados de diffusion. Oh, passez une excellente journée, toi aussi, Jean-Philippe. Toi aussi, Mathieu. À demain. À demain, 6h30. Bye bye.